garçon brûle dans la marmite de Mercadet, Thérèse. Allez vite vous dissimuler l'œil dans un trou de serrure, j'entends Prédif qui monte. Les murs vont trembler. Ces messieurs de la bourse et des banques n'en peuvent plus d'attendre. L'associé prodigue ou l'associé félon, selon les jours ou les circonstances, cet associé-là, c'est une clé qui n'ouvre plus aucun tiroir. En l'attendant, prêtez-moi vos écus. En l'attendant, livrez-moi vos fourrures. Donnez-moi vos bijoux, vos carrosses, du crédit, de la vaisselle fine, du linge brodé. Même le concierge, le père Grumeau, père Safacon. Vous le connaissez pourtant. Oh, c'est le portier parfait. Son oreille traîne dans toutes les poubelles. Il a la main toujours tendue. Oh oui, mettez-y une pièce, il vendrait son chat qu'il adore. Il répète aussi la vérité, qu'il habille le mensonge aux mesures du client. La vieille canaille, le bonnet enfoncé sur sa tête blafarde me donne des frissons. Son regard me perce le corps. Je passe en courant devant sa loge, il est partout et on ne le voit jamais. Viens Thérèse, le carrousel commence. Justin, où est Mercadet? Prévenez-le de ma visite. Monsieur Mercadet est extrêmement fatigué, monsieur. Beaucoup de nuits sans sommeil, je crains qu'il ne repose encore. Vous ne m'attendrirez pas, mon ami, je demeure inflexible. Mais j'ai entendu, Justin, le tapage que fait monsieur Despotre-en-Minet. Monsieur Prédif, votre propriétaire tient à vous parler. Je n'ai pu l'empêcher d'entrer. Ah bah, laisse-nous. Bien, monsieur. Mercadet, je suis hors de moi. Et vous m'écouterez. Je vous loue un appartement de 11 pièces au cœur de Paris, rue de Gramont. Et pour 2500 francs. J'y perds 3000 francs tous les ans. Heureusement, vous me devez 6 termes. Vos meubles sont saisis et je les ferai vendre. Faire vendre mes meubles? Et vous vous êtes levé dès le petit matin pour causer un si vilain chagrin l'un de vos semblables. Vous n'êtes pas mon semblable, monsieur Mercadet. Vous êtes criblé de dettes et moi, je ne dois rien. Je suis dans ma maison et vous êtes mon locataire. L'égalité ne sera jamais qu'un vain mot. Nous serons toujours divisés en deux castes, les débiteurs et les créanciers. Si subtilement nommés les Anglais. Allez, soyez français, cher, très cher, infiniment cher, monsieur Prédif, touchez-la. J'aimerais mieux toucher mes loyers, mon infiniment cher, monsieur Mercadet. Allons, soyez sérieux. Vous êtes le seul de mes créanciers qui possède un gage réel. Il y a 18 mois, vous avez fait saisir mon mobilier, qui vaudra bien 15 000 francs. Et attention, après tout, je ne vous devrai 2 années de loyer que dans 4 mois. Et les intérêts de mon capital, je les paie. Non, demandez-les par voie de justice, je me laisserai condamner. Je ne fais pas de spéculation, moi. Je vis de mes revenus. Vraiment, où en serais-je si tous mes locataires vous ressemblaient? Non, non, non, il faut en finir. Oh, monsieur Prédif, mon ami, moi, qui habite depuis 11 années dans votre maison, vous m'en chasseriez. Enfin, vous connaissez mes déboires. Vous savez que je suis victime d'un abus de confiance de Godot. Allez-vous encore me chanter cette histoire de la fuite de votre associé? Je la connais par cœur, et tous vos créanciers la savent aussi. Bah, heureusement. Et puis, pourquoi calomnier Godot? Il était homme d'énergie, belle fourchette, bon vivant. Il vivait avec une petite femme délicieuse. De laquelle il avait un enfant et qu'ils ont abandonné. Duval, votre ancien caissier, s'en est chargé. Oui, et Godot s'est chargé de la caisse. Il vous a emprunté 150 000 francs. Emprunté, c'est peut-être pas... Violemment. Merci, j'en conviens. Mais il vous a laissé toutes les autres valeurs de la liquidation et vous avez continué à faire vos affaires. Depuis 8 ans, vous en avez fait d'énormes. Vous avez gagné. Mais des batailles à la Pyrrhus. Ça nous arrive souvent à nous autres spéculateurs. Godot vous a promis de vous mettre pour la moitié dans les affaires qu'il allait entreprendre aux Indes. Il reviendra. Eh ben, attendez-le. Ainsi, vous toucherez les intérêts de vos loyers. Voilà, un bon placement. Vos raisons sont éloquentes, mais si tous les propriétaires écoutaient leurs locataires, les locataires finiraient tous par les payer en raison de ce genre. Et le gouvernement... Ah, non, ça, le gouvernement n'a pas le temps. Il ne peut s'occuper de rien ni de personne. Oui, mais il veut ses impôts et ne se paye pas, lui, avec des raisons. C'est pourquoi je suis, à mon regret, forcé d'agir avec rigueur. Moi, vous, que je croyais si bon, ignorez-vous que je vais marier ma fille, hein? Laissez-moi conclure le mariage. Vous en serez. Allez, madame Prédif dansera. Ainsi, vous serez payé. Demain. Demain, c'est demain. Vraiment, je serais navré de refroidir les ardeurs de votre gendre, mais tant pis. Vous avez dû recevoir un petit commandement avant-hier. Et si vous ne payez pas aujourd'hui, les affiches seront apposées demain. Parlons franchement, monsieur Prédif. Que puis-je vous proposer pour gagner 3 mois? Mon cher Mercadet, une conscience un peu stricte s'accommoderait mal de cette complicité involontaire, car je contribue à laisser éblouir votre futur gendre. Mais je suis un homme bon. Oh oui. J'aime l'amour, Mercadet. Oh là là, oui. Renoncez au droit de sous-location que vous donne votre bail, et je vous donne vos 3 mois de tranquillité. Ah, vous m'assassinez, Dieu ! Un homme dans la tourmente ressemble à un morceau de pain jeté dans un vivier. Chaque poisson y donne un coup de dent. Voyez, mon prédif, nous sommes en 1839, mon bail a 7 années à courir, mais le voyons doubler. Heureusement pour nous autres du capital. Je sais que nos 3 mois vous me congédierez, et ma pauvre femme aura perdu les ressources de cette sous-location dans le cas de... Faillite ! Le gros mot, elle ne supporte pas. Voyez, mon prédif, les débiteurs les plus honnêtes sont souvent corrompus par l'adresse cauteleuse de certains créanciers qui, sous prétexte de recouvrer quelques sous, côtoient la loi jusqu'à la frontière du vol. Monsieur, je suis venu pour être payé, non pour me faire insulter. Les hommes rendent la dette pire que le crime. Le crime vous donne un asile. La dette vous met à la porte. La rue, monsieur, la rue. C'est la rue. C'est bien. Je renoncerai à mon droit. Monsieur, je ne veux pas d'un consentement ainsi arraché. Eh bien, je vous remercie de tout mon cœur, mon cher Brédif. J'étais très nerveux, je suis très vif, il faut me comprendre. Je suis traqué de toutes parts. Mes créanciers ne veulent pas admettre que je lutte pour pouvoir les payer. C'est-à-dire pour continuer à faire des affaires. Ah, que voulez-vous, ça, la bourse, c'est ma vie. Alors terminons de rechef notre petite transaction. Mais... Hein? Virginie, je veux voir madame. Pas ici, descendons chez vous, je vous prie. Nous serons mieux. J'aurai donc mon appartement dans 3 mois. Rien devant mes domestiques, j'ai tant de mal à avoir la paix. Par ici, monsieur Brédif, je vous en prie. Ah, ce pauvre Mercadet, il a beau savoir nager, il se noiera. Psst. Voyez-vous, mes belles, aujourd'hui, la déconfiture du maître retombe sur les domestiques. Je suis forcé de payer tout ce que j'achète. C'est plus une vie. Est-ce que ça ira encore longtemps comme ça, monsieur Justin? J'ai déjà servi dans plusieurs maisons bourgeoises, mais celle-ci est unique. Vraiment! Je vais laisser les fourneaux et me présenter à un théâtre pour jouer la comédie. Ah, nous ne faisons pas autre chose ici. Enfin, que gagne-t-on à se faire créancier? Oh. Ils vont, viennent, guettent monsieur, restent des heures entières à l'écouter. Ils sont tous riches. Ils ont cependant donné leur argent à monsieur qui ne leur rend pas. Mais c'est voleur, ça. Oh, emprunter n'est pas voler. Écoutez, Virginie, je prends de l'argent dans votre sac à votre insu. Vous êtes volée. Mais nuance, si je vous dis, Virginie... J'ai besoin de 100 sous, prêtez-les-moi. Alors vous me les donnez, je ne vous les rendrai pas, je suis gêné momentanément. Je vous promets de vous rembourser plus tard. Vous devenez ma créancière. Mes gages me sont dus. Je vais laisser mon compte et livrer mon livre de cuisine. Merci. Les fournisseurs ne veulent plus vendre sans recevoir d'argent. Moi, je ne prête pas le mien. Elle a raison, réclamons nos gages. Moi, je préfère rester. Tiens. Je veux savoir comment ça finira, car ça m'amuse. Et puis, mademoiselle va épouser le petit Minard. Mais ça change tout! S'il y a mariage, nous aurons des gratifications. Il faut rester jusqu'au lendemain des noces. Mais croyez-vous que ce soit ce petit gras de papier qui ne gagne pas 1800 francs que monsieur Mercadet mariera sa fille? Mais j'en suis sûre, il s'adore! Ah, il s'adore! Mais entendez plutôt cette nouvelle. Le concierge vient de me dire que 2 jeunes hommes magnifiques étaient venus dans un cabriolet somptueux. Leur cocher a dit au père Grumeau que l'un d'eux allait épouser mademoiselle Julie. Or, monsieur avait donné 100 francs au père Grumeau. 100 francs? Oui. Et pas promis, donné en argent. Et il lui a si bien fait la leçon que le père Grumeau a dit au cocher que monsieur était si riche qu'il ne connaissait pas lui-même sa fortune. Mademoiselle est une figure d'héritière sans héritage. C'est incroyable. Un jeune homme riche et beau, c'est extravagant. Vous ne connaissez pas monsieur Mercadet? Je le crois capable de tout, même de devenir riche. Souvent, je me dis, le voilà perdu. Les affiches jaunes fleurissent dessus la porte. Il reçoit des rames de papier timbré. Et un entrechat, il rebondit, il triomphe. Du nouveau, tous les jours. Des actions, du bois changé en pavé. Des actions, des châteaux, des duchés, des moulins. Des actions, du cuivre, de l'étain, de l'or, jusqu'au blanchissage, mis en action. Un jour, monsieur se couche abattu. Le lendemain, il se réveille, millionnaire. Il chiffre, il calcule, il ne dort jamais. Il écrit des prospectus qui sont comme des pièges à loups. Il s'y prend chaque fois de nouveaux épargnants. Cependant, il a beau lancer des affaires, il a toujours des créanciers. Il les promène, il les retourne. Ils arrivent ici furieux, prêts à tout emporter, résolus à le faire jeter en prison. Il leur parle, Ils finissent par rire ensemble et ils sortent les meilleurs amis du monde. Pourtant, ils ne sont pas tous commodes. Oh. Des gens comme Pierre Quin, un tigre qui se nourrit de billets de 1000 francs. Le père Violet. Oh. C'est génial. J'ai toujours envie de l'envoyer à la soupe populaire. Oh. Goulard. Goulard, un escompteur qui voudrait m'escompter. Il est riche. Il est garçon. Laissez-vous faire. Chut. J'entends madame qui vient. Oui. Oh, avez-vous vu monsieur? Madame s'est levée seule. Samsonnet. Monsieur Mercadet n'est pas chez lui, moi. Je suis très inquiète. Oh, savez-vous où est monsieur? Monsieur parlait avec monsieur Brédif, madame, et... Oh, assez, Justin. Madame est sans doute contrariée. On a refusé de livrer les commandes. Les fournisseurs ne veulent plus faire crédit. Les créanciers sont responsables. Ah, si je pouvais leur jouer quelques bons tours. Non, le meilleur serait de les payer. Ils seraient fort étonnés. Hein. Les affaires de monsieur Mercadet me donnent bien du souci. Nous aurons besoin de votre discrétion. Nous savons que nous pouvons compter sur vous. Oui, évidemment, madame. Nous ne devons pas laisser voir notre jeune provisoire. Il se présente à un riche parti pour mademoiselle Julie. Oh, il mérite tant d'être heureux. Et quel talent! Un rossignol! La fortune! Ma fortune! C'est un crime d'ôter à une jeune fille tous ses moyens. De lui refuser robe, manteau, sac, chapeau. Si madame veut bien me dire le nom du prétendant, j'irai chez tous les commerçants. J'insinuerai que je puis envoyer chez eux ce monsieur. Monsieur? De la Brive. De la Brive. De la Brive. Pour payer le trousseau, madame. Et ils le... Ils le livreront. Moi? Oh. Voilà comme vous parlez à vos domestiques. Oui. Ils vous manqueront de respect demain. Justin, monsieur, allez à l'instant chez monsieur Verdelin. Vous le prierez de venir me parler pour une affaire qui ne souffre aucun retard. Bien, monsieur. Soyez assez mystérieux, il faut qu'il vienne. Oui, monsieur. Thérèse, retournez chez tous les fournisseurs de madame Mercadet. Dites-leur sèchement d'apporter ce qui a été commandé par votre maîtresse. Oh. Ils seront payés. Oh, oui, payés. Content. Allez. Virginie, madame vous a-t-elle donné ses ordres? Non, monsieur. Que vous distinguez aujourd'hui? Nous avons 4 personnes à dîner. Monsieur Verdelin et sa femme, monsieur Méricourt. Deux Méricourt et monsieur Delabrive. Ainsi, nous serons 7. Ces dîners-là sont l'apothéose des grandes cuisinières. Ayez pour ouvrir le banc un potage onctueux, puis un beau poisson, puis 4 entrées, mais finement accommodées. Mais monsieur! Alors, au second service. Monsieur, les marchands! Quoi, les marchands? Vous me parlez de marchands le jour, on se rencontre ma fille, on se fiancé. Ils veulent plus rien fournir. Eh bien, vous irez chez leurs concurrents. Et vous leur donnerez ma clientèle. Et vous offriront des étrennes. S'ils me demandent d'être réglés, je réponds de rien. Virginie, aujourd'hui, le crédit est toute la richesse du pouvoir. Mes fournisseurs méconnaîtraient les lois de leur pays. Ils seraient inconstitutionnels et anarchistes s'ils ne me laissaient pas tranquille. Ne me cassez pas les oreilles avec des gens en révolte contre les principes vitaux qui forgent l'État. Voyez, cordon bleu. Ne prêtez pas main forte à qui vient détruire la société. Monsieur! Et je vous ferai gagner de gros intérêts. 30% l'an. C'est foutu mieux que la caisse d'épargne, ça, non? Il donne à peine 100 sous par an. Vous mettez votre argent entre des mains étrangères. Mais vous avez bien assez d'esprit pour le faire valoir vous-même. Je sais pas, moi, écoutez, mettez-le chez moi. Bah, ici, votre petit magot ne vous quitterait pas. Fichtre, 30% là. 30. Je vais faire le déjeuner. Voilà, c'est bien ça. Cette fille a mis l'écus à la caisse d'épargne, qu'elle nous a volé du reste. Oh. Ah, madame, c'est un prêté pour un rendu. Oh, oh mon ami, mais jusqu'où descendrez-vous? Je vous admire, hein, vous qui avez votre petite existence bien organisée, vous qui ne vous souciez de rien, bien installée dans votre petit confort. Vous qui sortez tous les soirs avec votre ami, monsieur Damericourt. C'est vous qui lui avez demandé de m'accompagner. Eh oui. On ne peut pas être à la fois à sa femme et aux affaires. Bah, c'est incompatible. Eh ben... Enfin bref, vous qui faites la belle et l'élégante. Ah, vous me l'avez ordonné. Il le faut. Une femme et l'enseigne d'un spéculateur. Quand vous vous montrez à l'opéra dans une robe somptueuse, les gens disent « Oh, les asphaltes vont fort !» Ou bien « La garantie foncière est en hausse !» Madame Mercadet a encore une nouvelle toilette. Dieu veuille que ma combinaison sur les rachats des services militaires soit agréée par le ministère de la guerre. Vous aurez une voiture. Oh, mon ami. Oh, mais ne croyez pas que ce qui vous touche me laisse indifférent. Alors ne jugez pas les moyens dont je me sers. Là, vous n'avez pas la bonne manière, moi. Je n'obtiendrai rien par la douceur. Il faut savoir commander moyennement, comme Napoléon. Ordonner quand on ne paye pas. Eh bien, justement, on paye d'audace. Bon, on peut obtenir par l'affection des services qu'on refuse à l'autoritarisme. Par l'affection, oh bravo, madame. Vous connaissez bien notre époque. Mais aujourd'hui, madame, les sentiments s'en vont. L'argent les pousse. Il n'y a plus que l'intérêt. Parce qu'il n'y a plus de collectivité, mais des individus. Chacun pense et agit pour soi. Vendez du plâtre pour du sucre. Oh. Si vous avez su faire fortune sans provoquer de plainte, vous devez devenir député, académicien ou ministre. Oh. Et vous dire pourquoi les drames dont les héros sont des scélérats ont tant de spectateurs. C'est parce qu'ils les admirent. Et néanmoins, se retournent flattés en se disant « Je vaux tout de même mieux que ces coquins-là. » Moi, madame, moi, j'ai mon excuse. Je porte le poids du crime de Godot. Ah. Et qu'y a-t-il d'aussi déshonorant à devoir ? Tous les États d'Europe ont des dettes. Et quel est l'homme qui ne meurt pas insolvable envers son père ? Il lui doit la vie, il ne peut pas la lui rendre. Ne suis-je pas supérieur à mes créanciers ? J'ai leur argent et ils attendent le mien. Je ne leur demande rien, ils m'obèrent. Pouvez-vous me dire où commence et où finit la probité dans le milieu commercial ? Tenez. Nous n'avons pas de capital. Ah, certes non. Vous en convenez, le sachant personne, ne me donnerait un sou, personne. Alors ne blâmez pas les moyens que j'emploie pour conserver ma place au grand tapis vert de la spéculation. J'ai fait croire ma puissance financière, tout crédit implique un mensonge. Vous devez m'aider à cacher notre misère sous les diamants de luxe. J'ai peur, tout bêtement peur, monsieur. Vous vous apitoyez sur mes créanciers, mon Dieu. Nous avons dû leur argent. Qu'à leur confiance. Avidité, madame, avidité. L'actionnaire et le spéculateur se valent. Tous deux veulent être riches en un instant. Tenez, j'aurai beaucoup de service à mes contemporains. Ils croient tous tirer quelque chose de moi. Je connais assez sûrement leurs vices et leurs passions pour jouir à chacun sa comédie. Oh, le dénouement m'effraie. Il en est qui sont là de faire votre partie. Tenez Goulard, par exemple. Il est féroce et il vous forcera à déposer votre bilan. Jamais de mon vivant! Les mines d'or ne sont plus au Mexique, mais place de la bourse. Et j'y demeurerai debout jusqu'à ce que j'ai trouvé mon fil. Auguste, oh, ravi de vous rencontrer, cher monsieur. Aïe. Auguste, c'est Goulard. Vous êtes perdu. Taisez-vous. Oh, c'est Goulard. Mamie, c'est Goulard. Oh. C'est chose rare de vous voir. Il faut s'y prendre dès le matin, savoir profiter du moment où la porte est ouverte et les gardiens absents. Oh, les gardiens, sommes-nous des bêtes sauvages? Vous êtes impayables. Non, je suis impayé, monsieur Mercader. Ça, c'est drôle. Ça, c'est très drôle. Ça, monsieur Goulard, c'est très, très drôle. Je ne me contenterai pas de paroles. De paroles, je sais, il vous faut des actions. Bon, ça fait rien. J'avais tout un tas pour votre paiement, si vous voulez. Ne plaisantons pas. Je viens avec l'intention d'en finir. En finir? Oh non, monsieur, je vous propose plutôt de prendre... Mamie, laissez parler monsieur Goulard, vous êtes chez vous, écoutez-le. Pardon, permettez, je suis très heureux que madame intervienne, car sa signature pourrait amener certains apaisements à votre parfum. La femme a tort de se mêler de notre conversation, les femmes n'entendent rien nous affaire. Mamie. Monsieur Goulard, c'est mon créancier. Oh, pardon. Oh. Il vient me réclamer le montant de sa créance en argent liquide. M'avez pas ménagé, mon vieux, hein? Vous avez rudement poursuivi un homme avec qui, pourtant, vous avez réalisé des affaires considérables. Attention, des affaires où tout n'a pas été bénéfique. Et vous serez le mérite, vous me faites rire. Si elle ne donnait que des bénéfices, mais tout le monde ferait des affaires. Viens pas chercher des preuves de votre esprit, vous en avez plus que moi, puisque vous avez mon argent. Il faut bien que l'argent soit quelque part. Bon, allez, soyez net, mon cher Goulard, avouez-le. Mais très mal conduit. Très mal. Un autre que moi se vengerait. On aurait la possibilité en ce moment. Ah. Ah. Je suis sans rancune, mon vieux. Oui. Je peux vous faire perdre de sommes fantastiques. Si vous ne me payez pas, je crois bien Et vous ne jouerez pas au plus fin, vous me paierez, ou je remettrai demain votre dossier entre les mains de la justice. Ne sont pas les portes. Bah, il va, là. Oh, patience. Il ne s'agit pas de ce que je vous dois. Sur ce chapitre, vous n'avez aucune inquiétude. Ni moi non plus, du reste. Ah, des capitaux plus importants sont en jeu. Voyez-vous, Goulard m'avait stupéfié, hein. Littéralement abasourdi, comment vous, un homme au coup d'œil si sûr, à l'esprit si délié, comment avez-vous pu vous engager dans cette affaire-là? Oh, c'est bien. On a tous des moments de distraction. Que voulez-vous dire? Mamie, tu ne le croiras jamais. Vous savez qu'elle a fini par s'y connaître en spéculation. Elle a un flair pour les juger, n'est-ce pas, Alice? Bon. Oui, bon, ça va bien. Ma chère Alice Goulard, là, a acheté tel capteur de l'ambiance. Ben quoi, à la fin? Vous le savez, on sait toujours où le bas nous blesse. Ah, mon vieux, je vous ai mis sur la voie, je peux pas vous en dire plus. Vous voulez parler des mines de la Bassindre? Mines de la Bassindre? C'est une affaire unique. Mmh. Mmh. Unique. Unique. Pour ceux qui ont vendu hier. On a... en secret, dans la coulisse. Ah, mes enfants, vous allez voir la baisse aujourd'hui. Et demain. Surtout demain. Et oui, quand on saura ce qu'on y a trouvé. Des cailloux, Goulard. Rien que des cailloux. Merci, Mercadet. Le conseil vaut que nous causions plus tard de nos petites affaires. Madame Maisonmar. Attendez, Goulard, je vous ai pas annoncé la grande nouvelle. Elle vous rassurera. Donc, quoi? Mais sur votre créance, je marie ma fille. Oh, putain, je suis pressé, moi. Mais Julie épouse un millionnaire. Bah, je vous fais mes compliments, puisse-t-elle être heureuse, et son âme. Je voulais dire, vous pouvez compter sur moi. Mais pour la noce. Mais en toutes circonstances. Ah. Un petit mot. Vous aimez mes valeurs, sur vous? Non. Comment, ben, elles sont pas négociables. Qu'est-ce que vous êtes venu faire ici? Je venais voir comment vous vous portez. Ah, mais divinement, comme vous voyez. Mais alors, tant mieux, mais laissez-moi partir. Oh, non, ce n'est pas partir comme ça. Enchanté. Vraiment enchanté. Adieu. Ça tient du prodige. Rien à faire pour le retenir. Il m'a tourné le dos comme un ivrogne à une fontaine. Voilà ce que j'appelle du beau travail. Oh. Oh, lui avez-vous dit la vérité, au moins? Non. Moi-même, je ne sais pas démêler le sens de vos paroles. Mon avis, Verdelin, oui, a organisé une sorte de panique à la bourse sur les actions des mines de la Bassindre. L'entreprise était hasardeuse, la voilà mirifique tout à coup. Si Verdelin réussit, je me ferai ma part. Et ceci nous ramène au mariage de Julie. Attention, attention. Je sème. J'ai besoin d'un second moi-même pour récolter. Oh, oh, mon ami, si vous m'aviez prise comme caissier, nous aurions au moins 30 000 francs de rente. Oh, madame, le jour où j'aurais eu 30 000 francs de rente, j'eusse été ruiné. Par réfléchissez un peu. Si nous nous étions enterrés dans quelques provinces avec le peu d'argent qui nous serait resté, après l'emprunt forcé que nous a fait ce monstre de Godot, mon sort de nous, je le demande. Ah. Ah. Auriez-vous connu monsieur de Méricourt, qui vous plaît tant, et de qui vous avez fait votre prince consort? Ce lion, car c'est un lion, va enfin nous débarrasser de Julie. La pauvre enfant n'est pas notre plus bel achat. Il est des hommes sensés qui pensent que la beauté passe. Il en est de plus sensés qui pensent que la laideur demeure. Julie est énorme. Ça ne me vantez pas la marchandise. Je ne suis pas monsieur de la Brive. Sa passion subite me surprend. C'est curieux de savoir ce qui a pu le charmer dans ma fille. Oh, Julie est musicienne. Ah, ben c'est ça. Oh, sa voix est délicieuse. Ah, ben voilà. Elle est instruite, sensible. Elle lit des romans. Et n'en écrit pas. Ce qui prouve qu'elle est une fille d'esprit. Reste à espérer qu'elle comprendra le mariage comme doit le comprendre une femme en homme d'affaires. Oh, mais vous ramenez toujours tout à l'argent. Je vous invite à plus de modestie. Après tout, madame, vous n'avez pas rempli vos obligations d'elle. Fallait me la faire jolie, madame. Elle est mieux que cela, monsieur. Elle est vertueuse. Vertueuse et spirituelle. Eh ben, mes enfants. Ça, son mari aura bien de la... Monsieur. Gréement. La gréement, mamie, qu'est-ce que vous avez compris? Dans ce laboratoire. Julie! Julie, ma chérie! Oh, mon enfant! Ah, votre père et moi devons vous parler sur un sujet toujours agréable à une jeune fille. Il se présente un parti pour vous. Tu vas peut-être te marier, mon enfant. Comment peut-être? Mais cela doit être sûr. Oh, sacrée gamine! Elle doute de rien. Monsieur Minard vous aide en parler, mon petit papa. Ah, ça, c'est le con. L'attendiez-vous, Madame Mercadet, à trouver un monsieur Minard établi dans le cœur de votre fille? Les... S'agit-il de ce petit employé dont Duval, mon caissier, m'a parlé, là? Le fils naturel de Godot? Répondez. Oui, papa. Vous l'aimez? Oui, papa. Il ne s'agit pas d'aimer. Faut être aimé. Mais vous aime-t-il? Oui, maman. Oui, maman, oui, papa, oui, maman, oui, maman. Le diable, vous ne sortez pas de chez votre nourrice. Vous êtes majeur. Vous êtes ultra-majeur. Faites donc à votre mère la politesse de l'appeler madame, afin qu'elle ait les bénéfices de sa fraîcheur et de sa beauté. Bien, monsieur. Chut! Appelez-moi mon père, je me fâcherai pas, moi. Quelle preuve avez-vous d'être aimé? Mais on se sent aimé. Ah, zut, quelle preuve? En avez-vous, bon Dieu? Il veut m'épouser. Oh. Et voilà. Et voilà! Les filles ont comme les petits-enfants des réponses. On casse le raisonnement. Mais où l'avez-vous rencontré? Ici? Quand? Le soir, lorsque vous êtes sortie. Mais... Il est plus jeune que vous. De quelques mois à peine. Oh ben ça fait beaucoup d'années, 30 ans plus tard. Un jeune et cervelé ne peut pas apprécier toutes vos qualités. Il m'a remarqué le premier un soir chez Madame Duval. Nous avons dansé ensemble. Mais Madame Duval se fait une spécialité d'inviter des jeunes gens sans position. Et mademoiselle veut des danseurs. Les garçons qui dansent n'ont pas d'avenir. Ceux qui ont de l'ambition prennent des airs graves et ne dansent pas. Est-ce que je danse, moi? Hein? Oh non, oh là ça, oh là là, mon Dieu. Oh. Dites donc, mamie, c'est peut-être pas maman de faire des réflexions stupides, hein? Non, je dis, c'est peut-être pas maman, alors on passe. Adolphe! Adolphe! Et il s'appelle Adolphe! Les imbéciles prétendent que notre monde progresse! Apprenez, triple tour, que l'employé à 1200 francs ne sait pas aimer! Il n'a pas le temps! Il est trop sollicité, il se doit d'abord au travail! Le travail, le travail! Il est né pour ça! Par contre, les propriétaires, les nantis, les oisifs, les dilettantes peuvent, savent aimer. Question d'éducation. Julie, votre père parle d'or. C'est ce que je lui reproche. Oh. Julie. Julie, je te donne à ton monsieur Minard. Oh, merci, papa. Attends, pauvre buse, tu n'as pas le premier franc que deviendrez-vous le lendemain du mariage. Il n'y a plus seulement songé. Oui. Mais les Hélène! Mais c'est quoi, vous permettez, on peut continuer la conversation, vous dérange pas trop, on peut. Je ne suis plus ton père, hein? Oublie ton père, il est parti, ton papa. Ton confident t'écoute. Nous habiterons un petit appartement au 6e. Sous les toits. Je serai sa servante. Je m'occuperai du ménage. Je travaillerai pour lui pendant qu'il travaillera pour moi. L'amour nous aidera à passer les moments difficiles. Adolphe a de l'ambition. Il est de ceux qui arrivent. Ma fille, garçon, on est arrivé pour. On se tue à boucler les fins de mois. Adolphe a tant de volonté unie à tant de moyens que je suis sûre de le voir un jour. Chef de service dans une administration publique. Oh! Ministre, pourquoi pas? Ça ça oui, ministre, oui, hein, oui, ça quand on sait rien faire d'autre, on est ministre. Et précisément, hein, faut rien savoir faire pour le devenir. Ben, c'est comme l'amour, tu ne sais garder. La société ne se bouleverse pas parce qu'elle fait le malheur des pauvres. Oh, elle est exigeante, elle a ses élus. Allez, j'ai fini sans ça. Hein. Il s'agit là d'une petite amourette qui ne repose sur aucune base sérieuse. C'est de part et d'autre un amour auquel nous sacrifierons tout. Adolphe ? Adolphe. Qu'en est-il ta position de fortune ? Je suis incapable d'avoir commis la moindre indiscrétion qui puisse vous compromettre. Ergo, il ne croit riche ? Il ne m'a jamais parlé d'argent. Ah, oh, ben j'y suis maintenant. Julie, écrivez-lui immédiatement de venir me parler. Merci, papa. Je n'ai rien décidé. Un jeune homme élégant, ayant un beau nom, prenant grande existence, va venir dîner ici. Il vous recherche. Voilà mon candidat. Si vous m'écoutez, vous ne serez pas Madame Minard, mais Madame Delabrive. Et si vous n'êtes pas la femme d'un ministre, eh ben vous serez peut-être celle de l'ambassadeur de France. Je suis fâché, ma fille, d'avoir rien de mieux à vous offrir. C'est drôle, ça. Ne me raillez pas, mon cher père. Et permettez-moi d'accepter tout simplement le bonheur et la pauvreté. Oh, va, ma fille, marie-toi richement. Mais pour une fois, écoute-nous. Dans ces cas, l'union fait la force. C'est la devise de la majorité au Parlement. Et s'il n'est pas de bonheur possible dans la misère, il n'est pas de malheur que la fortune n'adoucit. C'est vous, ma mère, qui prononcez des paroles si tristes. Julie, Julie, Julie, vous pourrez juger M. Delabrive comme je jugerai M. Minard, mais vous n'aurez pas le choix. M. Minard renoncera de lui-même à vous. Ah, mon ami, si elle était aimée. Mais ben, c'est trompé, c'est tout, elle se trompait, c'est trompé. Je voudrais toujours l'être ainsi. On a sonné. Nous n'avons personne pour ouvrir la porte. Ben, laissez sonner, hein, surtout laissez sonner. Oh, je m'imagine toujours que Godot peut revenir. Vous attendez encore Godot? Vous me faites l'effet de ces députés battus qui espèrent toujours une élection anticipée. Ah, on sonne encore. Ça, c'est une sonnerie de créancier. Ah. Je dis, va voir. Et quoi qu'on te dise, réponds que ta mère et moi sommes sortis. Il aura sans doute de la pudeur, hein. Il la croira peut-être. Oh, ben une vierge. Oh, son amour sincère m'a ému. Écoute-le. C'est d'un romanesque, vous autres, les femmes. Oh, ben le premier amant donne toujours de la force. Mon père, c'est Pierre Quint. Il prétend qu'il s'agit d'une bonne affaire pour vous. Mais enfin, c'est-à-dire pour lui. Julie, que tu te laisses aller écouter ton Minard, ça se conçoit. Il y a un créancier. Celui-là, je sais comment le faire et laisser nous. Et ne soyez pas sur vos gardes. Je ne viens pas vous demander de l'argent, mon cher mercadet. Je sais que vous faites un superbe mariage. Votre fille épouse un millionnaire. Ah, le bruit s'en est répandu. Bah, un millionnaire, comme vous allez. Il y a un peu de bien. Cette nouvelle heureuse va calmer vos créanciers. Moi-même, j'ai retiré ma plainte. Et me faire arrêter? Je ne garde jamais de dossier très longtemps. Pour vous, je m'étais départi de mes principes. Je vous ai laissé 2 ans. Mm-hmm. Mercadet, si ce mariage est une invention, je vous fais mon compliment. Le retour de Godot s'usait diablement. Un gendre vous fera gagner du temps. Ma foi, je vous aime. Vous êtes ingénieux. Mais où voulez-vous en venir, vous? Les Goulards à Gobé l'hameçon, mais qu'aviez-vous mis dessus, hein? Il est fin pourtant, Goulard. Mon gendre est monsieur de la Brive. Un jeune homme? Il y a un vrai jeune homme. Je vous le ferai voir. Alors combien payez-vous de jeune homme? Assez d'insolence. Autrement, mon cher, je vous demanderai de régler le compte. Et vous y perdriez beaucoup. Au prix où vous me vendez l'argent. Si vous voulez régler, je m'entends cela. Je ne crois pas. Je vous rapporte autant qu'une ferme en bourse. Oui, mais laissons cela. Je venais vous proposer une échéance de valeur contre laquelle je vous accorderai un sursis de 3 mois. Ah, asseyez-vous, mon vieux. C'est ça, la bonne affaire? Vous savez, moi, je suis lucide, limpide, avec moi, on y voit clair. Non, pas de phrase, hein. Je vous ai jamais reproché de pratiquer l'usure. Un usurier, c'est un capitaliste qui prend sa part d'avance. Tenez, voici des traites pour 50 000 francs émanant d'un fort joli jeune homme nommé Michonin. Ah, elles sont en règle, protège, jugement par défaut, jugement définitif, procès verbal de carence, dénonciation de contrainte, etc., etc. Il y a 5 000 francs de frais. Ça vaut ? Ce que vaut l'avenir d'un jeune homme maintenant contraint d'avoir beaucoup d'ingéniosité pour vivre. Ou ça vaut rien. À moins qu'il n'épouse une Anglaise fortunée, amoureuse de... De lui ? Non, d'un titre. Je songeais à lui en acheter un, mais cela m'eût jeté dans des intrigues de chancellerie. Il me faut par conséquent, en échange, des choses de même valeur. Quoi ? Des actions de vos entreprises qui ne donnent plus de dividendes ? Et vous m'accorderez un sursis de 5 mois ? Oh non. Un an, j'ai dit 3 mois. Oh, Pierre, malgré mon intelligence fabuleuse, je ne vous comprends pas, mais je suis votre ordre. J'avais compté là-dessus. Voici la lettre par laquelle je vous accorde le sursis. Voici les dossiers Michonin. Oh, j'oubliais. Ce jeune homme a mis tous les huissiers de Paris sur les dents. Il m'a découragé. Vous êtes plus retors que moi. Oh, écoutez, vous êtes trop aimable. Je suis heureux de vous le livrer. Un étourneau dans ma cage. Ouais. Oh. Merci, Pierre-Cœur. Oh. Et maintenant, voulez-vous les actions roses d'un journal qui pourrait avoir du succès s'il paraissait ? Oh, voilà. Les actions bleues d'une mine qui a sauté. Oh, voilà. Les actions jaunes de pavés qui ne peuvent même pas servir à faire des barricades. En voilà. Donnez-moi de toutes les couleurs. Toutes les couleurs, demandez. En voilà, en voilà, en voilà, en voilà. Oh, eh bien, pour 40 000 francs. Merci, mon cher ami, ça fait plaisir. Nous autres, nous menons rondement les affaires. Vous allez placer mes actions. Mais oui. Ah, à toute leur valeur. Si c'est possible. Je suis, bravo! Elles vont remplacer vos lions empaillés, vos frégates en ivoire, vos pelisses en zibeline, tous vos objets fabuleux. C'est si vieux. Oui, et puis le tribunal commence à trouver ça un peu léger. Oh, Pierre-Quin, vous êtes un homme grand, un homme digne. Vous allez ranimer mes valeurs. Croyez, mon bon Mercadet, que je le voudrais. Ben, moi donc. Allez, adieu. Vous savez ce que je me souhaite pour le mariage de votre fille. Mmh. Adieu, ami. Adieu. Canaille. Entrez. Ah, Justin, as-tu vu Verdelin, mon ami Verdelin? Il arrive, monsieur. Il a, heureux hasard, de l'argent à donner à monsieur Brédif. Fais en sorte qu'il me parle avant d'entrer chez Brédif. Non, mais t'as bien entendu, hein? Avant. Ouais. Autre chose, j'ai donné 100 francs au père Grubeau, le concierge. Mmh. Il peut pas encore avoir menti pour 100 francs, celui-là, non? Non, monsieur, d'autant plus que je lui ai fait croire qu'il disait la vérité. Justin, tu finiras par devenir mon secrétaire. Mmh. Hélas, monsieur, il est nécessaire de savoir écrire. Oh là, les secrétaires des ministres écrivent très peu. Que font-ils donc? Ils font le ménage. Et ils parlent quand leur patron doit se taire. Qu'on sait comment, arrange-toi pour que... Pour que le père Grumeau dise à Verdelin que Brédif est sorti. Ça rentre. Toi, dis-toi, son... Monsieur, c'est merveilleux. Dès que j'ai promis le paiement, le sourire de marchand est redevenu commercial. Voilà comment je comprends le commerce, moi. Monsieur! Ah, Virginie, aurons-nous un dîner à votre mesure? Oh, monsieur le mangera. Hein? Et les bouchers, là, les épiciers et autres tutti-frutti? Ils patienteront. Les a payés. Moi, je t'oublierai pas, toi. Allez, va. Si mademoiselle Julie se marie, elle pensera sans doute à moi. Je le penserai à toi, mon petit, mais je crois bien. Non. Monsieur, et moi? Menton. Menton. Je te donnerai pour mari un des futurs employés de ma compagnie d'assurance contre les risques de recrutement. Attention. Certaines conditions. Oh, monsieur, soyez tranquille. Je connais l'art de rendre un prétendu amoureux fou. Mmh. Et je sais aussi comment le rendre froid. Comment tu fais? Je me suis vengée de ma dernière patronne en faisant rompre son mariage. La langue d'une femme de chambre, c'est un roman d'anticipation domestique. Monsieur, non, réellement, nous n'avons pas tant de talent. On a le droit de rêver, non? Oh! Avoir ces gens pour soi, c'est comme si le gouvernement avait la presse à lui. Monsieur Verdelin. Ah, Verdelin, le petit Verdelin. Quand c'est le père Violette. Tu peux pas faire attention, non? Depuis 11 ans que t'es à mon service, tu sais pas encore fermer les portes, toi? Allez, va causer spirituellement avec Verdelin jusqu'à ce que j'ai congédié ce pauvre diable. Une de vos victimes? Ça va bien. Bien, bien. Bien. Allez. Oh. Je suis déjà venu 11 fois depuis 8 jours. Mon excellent monsieur Mercadet. Mercadet. Et le besoin m'a obligé de vous attendre hier dans la rue pendant 3 heures. En me promenant d'ici à la bourse. J'ai vu qu'on m'avait dit vrai en m'assurant que vous étiez à la campagne. Mais nous sommes deux malheureux, pauvre père Violette. Nous avons tous les deux une famille. Nous avons engagé tout ce qui peut se mettre au monde piété. C'est comme ici, le salon est triste et vide. Le mal de l'un ne guérit pas le mal de l'autre. Mercadet, vous avez encore de quoi vivre. Et le pain nous manque. Vous reconnaîtrez que je ne vous ai jamais reproché ma ruine. Je crois que vous aviez l'intention de nous enrichir. Et puis c'est ma faute. J'ai voulu doubler notre petite fortune et je l'ai compromise. Ma femme et mes filles ne veulent pas comprendre. Elles qui me poussaient à spéculer, elles qui me reprochaient ma timidité, elles s'obstinent à nier que saisir la chance de gagner beaucoup, c'est s'exposer à perdre trop. Ben oui. Enfin. Parole n'engendre pas farine. Alors, je viens vous supplier de me donner un tout petit à-compte, seulement sur les intérêts. Vous sauverez la vie à toute une famille. Oh, père Violette, vous me navrez. Vous n'êtes pas gentil, vous savez. Hein? Vous n'êtes pas gentil. Pas quand je vous quitte, je déjeune de mauvais appétit. Oh. Elle est raisonnable maintenant. Je vais être fraternel avec vous. Et partagé. Nous avons à peine 100 francs à la maison. Et encore, c'est l'argent de ma fille. Oh, est-ce possible? Vous, mon excellent monsieur Mercadet, vous que j'ai vu si riche. Et entre malheureux, on se doit la vérité. Oui, mais si on ne se devait que ça, comme on se paierait promptement. N'abusez pas de cette confidence, mais je vais marier ma fille. J'ai deux filles, moi, mon excellent monsieur. Elles travaillent à vous fendre l'âme sans espoir de se marier. Les filles mal nées qui tiennent à leur vertu gagnent si peu et vieillissent si vite qu'elles ne peuvent rien attendre que la ménopause. Il s'agissait de tout autre chose. Ma femme et mes filles guettent mon retour dans l'anxiété. Ça va passer. Respire. Oui. À mon âge, je ne peux rien faire que crever. À moins que vous ne m'aidiez à obtenir une place. Mais comment vous êtes inscrit, père Violette? Vous êtes inscrit là? Vous serez caissier principal de ma compagnie d'assurance contre les risques de recrutement. Mon excellent monsieur, ma femme et mes filles vont vous bénir. Tenez, voilà 60 francs pour vous. En or. En or ? Ah, c'est inouï, c'est inespéré. Voilà bien longtemps que j'en avais vu. Et moi, ça va être la fête. Vous demandez un petit peu de discrétion. Vous soyez rassurés, je suis déjà dans ma tombe. Oh ben, je vous en demande pas tant. Allez, père Violette, vous allez me faire la promesse de ne pas revenir ici avant 10 ans. Un bon mois. Un mois ? Pour nous vivre un mois avec ces petites piécettes ? Quand t'avais pas autre chose ? Et je ne possède pour toute fortune que ce que vous me devez. Oh là là ! Pauvre père Violette. Mais je... Je croyais que vous faisiez quelques petites affaires d'usure, là, dans le quartier de l'Estapade. Depuis la migration des futurs snobs vers le centre, les prêts ont bien baissé dans le quartier. Pourriez-vous acquérir un cauchemin pour l'emploi de caissier? J'ai quelques amis. Prendrez des actions. Mon excellent monsieur, vous autres faiseurs, avez cassé le grand sort d'enthousiasme. On ne veut plus entendre parler d'actions. Tant pis, n'en parlons plus. Adieu, père Violette, je vous fais une promesse. Vous serez le premier payé. Bonne réussite, mon excellent monsieur. Ma femme et mes filles diront des prières pour le mariage de mademoiselle Mercadet. Monsieur Verdelin est arrivé, je ne peux pas le faire attendre. Les autres qu'ils tracassent n'ont rien, mais en se plaignant comme ça doucement, on arrive à toucher à peu près ses intérêts. Combien je regrette mon bras inodu, ma jambe bien faite et le temps perdu. Ah, crois-moi, Justin, hein. Si tous mes créanciers étaient comme celui-là, moi, je tiendrais pas. Ils m'emportent toujours de l'argent, ce petit vieux. Parfois, des petits nous tirons de grandes leçons, monsieur. Tout réside maintenant dans l'amitié de Verdelin. Un homme dont la fortune est mon ouvrage. Il me doit de la reconnaissance. Et vous, monsieur? Moi, je vous dois de l'argent. Et on se paye ni l'un ni l'autre. Bonjour, Mercadet. Le voilà, le plus beau. Comme veux-tu. Ah, sacré Parcerva, ta question ne me donne pas le temps de te dorer la pilule. Oh, tu m'as deviné. Mon vieux Mercadet, je n'en ai pas. Et par surcroît, je serai franc, j'en aurai que je ne t'en donnerai pas. Écoute, je t'ai déjà prêté ce dont mes moyens me permettaient de disposer. Jamais je ne t'ai réclamé ce que tu me devais. Je suis ton ami. Mais si je n'avais pas pour toi le cœur plein de tendresse, si j'étais un homme normal, il y a longtemps que le créancier aurait assassiné l'ami. La compréhension a ses limites dans ce monde. Oh, l'amitié a ses limites, oui, mais pas la malchance, écoute. Si j'étais assez riche pour te sauver, tout à fait, je le ferais. D'un grand élan. Mmh. J'aime ton courage. Mais c'est écrit. Tu dois succomber. Tes dernières tentatives intelligentes, certes, mais très spécieuses, ont croulé. Tu t'es déconsidéré. Tu es même devenu un homme dangereux. Tu n'as pas su profiter de la vogue dont tu jouissais. Et la mode trépasse là où passe une génération. Voilà. Quand tu seras tout à fait tombé, sache que ton couvert sera toujours mis chez moi. Le devoir d'un ami est de parler ainsi que je viens de le faire. Où serait l'amitié si on l'a privé du plaisir de se trouver sage et de voir son ami fou, de se féliciter d'être soi et d'accuser son ami de n'être que lui? Alors je suis foutu. Flétri, flambé, fiché, floué. Non, je ne dis pas tout à fait cela. Non, tu passes encore pour un homme honnête. Merci beaucoup. Mais la nécessité te force à recourir à des moyens qui tout simplement ne sont pas justifiés par le succès. Ah, le succès. Il se conquiert grâce à des subterfuges souvent sordides. Ah, mais tiens, tu vas en juger toi-même. Ce matin, moi, j'ai déterminé la baisse que tu souhaites dans l'affaire des actions des mines de la Bassindre, afin que tu puisses t'en emparer avant que le rapport des ingénieurs ne sorte de l'anche. Supercaté, est-ce vrai? Ah, mon ami, je te reconnais bien là. Non, tout ça pour que tu saches que j'ai pas besoin de morale, ni de caresse, mais d'argent. T'en demandes pas pour moi. Je marie ma fille. Et tu te trouves ici dans une maison où règne l'indigence sous des apparences de luxe. Mes promesses, mon crédit, mes idées, mon talent, tout est usé. Il me faut ici 15 jours d'opulence, comme à toi 24 heures de mensonge à la bourse, ou alors le mariage manquera. Ferdelin, cette demande ne se renouvellera pas. Tu connais ma fille? Oh. Faut habiller ma femme et Julie, faut aujourd'hui même offrir un dîner à mon futur gendre. J'ai plus d'argenterie. Eh bien, elle est là où tu sais. Non seulement j'ai besoin d'un millier d'écus, mais j'espère que tu me prêteras aussi ton service de table. Oh, naturellement, tu viendras souper avec ta femme. Enfin, Mercadet, personne n'a mis l'écus à prêter. À peine les a-t-on pour soi, et si on les prêtait toujours, on ne les aurait jamais. Mon vieux camarade. Tiens, tu me croiras si tu veux. Si tôt Julie mariée, ma tombe devient indifférente. Ma femme aura un toit chez sa fille et moi. J'irai chercher fortune ailleurs. En Afrique. Ah, tu as raison, Berdelin. Utile aux autres, je me suis funeste à moi-même. Là où je perds, les autres gars. N'entends rien de la récolte. Ben, c'est que ton esprit est supérieur à ton jugement. L'esprit nous vaut l'admiration, le jugement nous confère la fortune. Mon ami, peux-tu concevoir certains sentiments? J'aime ma femme. J'aime ma fille. Elles sont si douces, si résignées. Je voudrais les savoir à l'abri. Et je souffre du mal que je leur fais. Peux-tu imaginer qu'un homme puisse pleurer? Tu as une petite fille charmante. Tu n'accepterais pas qu'elle vieillisse en travaillant des larmes coulant sur ses jolies joues, glacées par des hivers sans fin, et toussant à s'arracher les deux poumons. Hein? Voilà pourtant l'avenir de ma Julie. J'ai ces derniers temps supporté beaucoup d'avanies. J'ai trébuché sur des pavés mal fixés, j'ai créé des monopoles, on a dépouillé tout ça. Tout ça nous serait une vitie auprès de la déception de me voir rejeté par toi, mon ami, dans cette circonstance suprême. Enfin, je ne te dirai pas ce qui m'arrivera. Si je... Je ne veux rien devoir à ta pitié. Mille écus. Mais à quoi veux-tu donc les employer? Mon cher engendre, t'es un oiseau vite effarouché. Un collier de moins autour du cou, une robe un peu banale, le voilà qui flanche. Et puis, il y a le dîner, il faut des vins exquis. L'amoureux ne peut perdre la tête que comme ça, tu connais ma fille. Oh. Ferdelin, un millier d'écus, ça ne peut pas te faire de mal à toi, qui as 60 000 livres de rente. Oh. Et tu illumines la vie du pauvre enfant que tu es. Car tu l'aimes, hein, Juliette, tu l'aimes, avoue-le. Ferdelin, tu l'aimes. Tu sais qu'elle est folle de ton enfant, ma Julie? Ah oui, elles jouent ensemble, hein, comme deux couventines. Merde-là. Laisseras-tu la meilleure amie de ta fille sécher sur place? Tu sais, c'est contagieux. Ça porte malheur. Mercadet, je n'ai pas mis les culs. Je peux te prêter mon argenterie, mais je n'ai pas mis les clés. Bon, un pont sur ta banque, ta signature, ça c'est vite fait. Non. Ah, tu es là. Ah. Dieu tout-puissant, pardonnez-moi d'achever ainsi mon existence misérable. Permettez-moi de me réveiller dans votre sein. Mais as-tu trouvé un gendre, mon ami? Un vrai gendre? Tu mets ma parole en doute? Ah, Ferdelin, refuse-moi durement les moyens d'assurer le bonheur de Julie, mais ne m'enfonce pas! Ne m'enfonce pas, Ferdelin! Oh, Ferdelin! Oh, je ne peux pas croire! Je ne peux pas croire pour mille écus qu'une telle pensée te soit venue! Ah, maintenant, tu ne peux être absous comme les donnants! Bon, ben, je vais aller voir si je puis. Non, ça, c'est une manière de refuser, hein? Et si le mariage manque? Oh. Tiens, mon ami, je n'avais pas pensé à cette hypothèse. Non, je te les donnerai certainement, mais quand le mariage se fera. Eh bien, t'as l'air des culs, il ne se fera pas si tu m'avances pas l'argent. Ah, comment se peut-il que toi à qui j'ai vu dépenser trois fois plus par amour propre pour une amourette, comment tu ne les accordes pas à une bonne œuvre? Les bonnes œuvres, comme les bonnes actions, se font rares. Tu ris? Tu ris? Les bonnes actions. Ah, les actions. Alors, il y a réaction? Oh, mon vieux camarade! Ces deux copains qui ont enroulé leur bosse ensemble, qui ont commencé leur vie, c'est nous, hein? Tu te rappelles? Tu te rappelles le bon temps, hein, quand nous saignions notre pacte là, de nos sangs mêlés, hein? Tiens, c'est là! Ah, ben, pas beau, ça, c'est pas beau, ça, hein? Te rappelles-tu notre partie folle à Rambouillet? Oh, tais-toi, à Rambouillet! Qu'est-ce qui s'est passé à Rambouillet? Je m'étais battu pour toi contre cet officier de la garde. Hein, je t'avais cédé Clarisse. Ah, elle était belle, hein? Elle était belle. Oh, on était beau. On était jeune. On était heureux. Maintenant, on a des filles à marier. Tiens, si Clarisse était encore vivante, elle te rapprocherait tes hésitations. Si elle avait vécu, je serais toujours célibataire. Tu sais aimer, toi. Bon. Alors, je compte sur vous pour le dîner, hein. Et tu me donnes ta parole d'honneur de m'envoyer... Là. Dans mon service. Et les mille écus. Non, tu y reviens encore. Je ne peux pas. Je suis assassiné par mon meilleur ami. C'est toujours comme ça que ça se passe. Tu restes insensible au souvenir de Clarisse, à la détresse du père de Julie. Je suis au désespoir. Elle me brûlait la cervelle. Auguste, mais qu'as-tu pris ainsi? Papa, tu m'as fait peur. Mais c'est Verdelin qui est parmi nous. Bonjour, Verdelin. Oh, tu n'as rien à craindre. Bonjour, monsieur. De quoi s'agit-il? Expliquez-vous, je vous prie. Oh. Dis-moi, Verdelin. Je criais à court, comme deux anges gardiens veillent sur leur sein. Oh. Elles m'ont entendu. Oh. Oh, mes petites chéries. Oh. M'attendrissez. Oh. Verdelin, voudras-tu supprimer toute une famille? Cette preuve de tendresse me donne le courage de tomber à tes genoux. Papa, s'il vous plaît, un moment. C'est moi qui vous implorerai pour lui s'il s'agit, et j'ai le sang d'argent. Je vous offrirai la garantie de mon travail. Obliger une fois encore mon père, sa situation doit être cruelle pour qu'il supplie ainsi. Oh, cher enfant, quels accents! J'étais pas nature comme ça, moi. Hein. Monsieur Verdelin, rendez-lui ce service. Nous saurons le reconnaître. J'engagerai le bien qui me reste. Ça va pas, non? Vous savez ce qu'il me demande? Non. 1000 écus pour pouvoir vous marier. Monsieur Verdelin, oubliez tout ce que je vous ai demandé. Je ne veux pas d'un mariage acheté par l'humiliation de mon père. Oh, qu'elle est bien! Mais qu'elle est bien! Oh, l'artiste! Vous m'avez convaincu. Je vais vous chercher l'argent. Miracle! Miracle! Il est parti? Oui! Papa, pourquoi ne m'avez-vous rien dit? Il nous a sauvés! Ah, comme je voudrais me retrouver riche pour que Verdelin se repente de son geste! Là, je ne suis pas prêt de lui pardonner ses 1000 écus. Oh, il me les paiera. Il est allé chercher la somme que vous avez demandée. Il m'a vendu trop cher. Quand je pouvais distribuer les billets de banque, moi je le faisais avec une grâce infinie, en prince d'Orient. Le petit Verdelin, Rachid, m'a avancé 1000 écus. Mes scrupules s'envolent un jour, je lui en soufflerai 100 000. Ce qui paraît juste, Verdelin a cédé. Il a cédé aux actions déchirants de Julie, pas aux miens. C'est ça que je lui reproche. J'avais de l'argent dans ma voiture pour Brédif qui est absent de chez lui. Le voici en 3-5. Oh, monsieur, vous avez désormais toute ma reconnaissance. Elle ne vous fera jamais défaut. Madame, il faut que les choses soient claires. C'est à vous et à votre fille que je prête cet argent. Vous aurez l'obligeance de contresigner le reçu que va m'établir Mercadet. Signez ma perte. Tais-toi, Julie. Mon père Verdelin, faut-il ajouter les intérêts? Non, non, oublions les intérêts. Oui, oublions-les, oui. Non, je veux vous aider, mon frère l'usurier. Ma fille, voilà ton second père. Oh. Monsieur Minard demande à être reçu. Madame, les livreurs apportent toutes les marchandises. Eh ben, tu vois qu'il était temps, hein? Je vais. Oh, merci, merci, merci. Bon, ben, je vous laisse. Bonne chance à tous. Ah, si j'ai bien compris, Minard, c'est le premier. Non, non, t'as rien compris, c'est pas lui. Entrez, monsieur Minard. Adolphe. Si vous voulez notre amour pur aux yeux du monde, ayez autant de courage que j'en ai montré déjà. Mais que s'est-il passé? Un fils à papa se présente et Monsieur Mercadet est sans pitié pour nous. Je triompherai. Vous aimez ma fille, monsieur? Oui, monsieur. Et moi, elle le croit. Vous avez eu le talent de l'en persuader. Le doute que vous exprimez, monsieur, venant de l'autre que vous, m'offenserez gravement. Mais comment n'aimerais-je pas Julie? Votre fille est le seul être au monde qui m'ait fait connaître l'affection. Julie, monsieur, mais c'est une sœur, une cousine et une amie. À elle seule, elle est toute ma famille. Aussi, il n'est pas de mots qui puissent vous traduire la passion que j'éprouve pour elle. Dois-je rester, papa? On est gourmande, Julie. Monsieur Minard! J'ai sur l'amour entre jeunes gens les idées positives qu'on reproche généralement aux vieillards. Mais ma méfiance est ici d'autant plus légitime que je ne suis pas de ces pères aveuglés par la paternité. Sans être tout à fait laide, Julie ne possède pas cette beauté qui arrache des rangs, des ouh. Non. Hmm? Ben, n'est ni bien ni mal. Ah, vous vous trompez, monsieur. Vous ne connaissez pas votre Julie. Ça en fait parfaitement, comme si je l'avais faite moi. Eh ben, passons. Ah non, monsieur, j'insiste. Bah, vous connaissez la Julie que chacun voit et connaît. Mais l'amour la transfigure. La tendresse lui communique un charme ravissant que moi seul ai créé. Papa géant. Mais vous me flattez. Je me croyais son père. Et vous voilà le père d'une Julie avec laquelle il me plairait de faire connaissance. Julie. Julie. Bah, ouvrez les yeux, Minard. Les qualités de son âme peuvent, je le conçois, modifier l'expression de sa physionomie, mais le teint, Minard, le teint. Julie est modeste, mais elle est aussi lucide. Elle sait qu'elle a le teint maussade. Elle est très un peu, hein, disgraciée. Papa! Vous n'avez donc pas aimé? Beaucoup, au contraire, comme tous les hommes. Mais autrefois, vous aimiez une femme pour sa séduction. Aujourd'hui, nous aimons beaucoup mieux. Oui, nous nous attachons à l'art. Oh. Et c'est ce qui rend ma fille jolie? Parle honnête, une femme a des lourdeurs dans la hanche, l'âme les efface. L'âme effile les doigts, ôte la coquetterie dans l'œil. L'âme fait de belles poitrines et de petits pieds. L'âme est toujours présente pour chasser les mauvaises haleines. Mina, vous aimez Julie? Elle est aimable? Elle a de l'esprit, du cœur, de l'âme? Vous l'aimez sans aucune arrière-pensée? Aucune. C'est la beauté de vos rêves, le rêve de vos nuits, vous la voulez pour femme? Oui, monsieur. Malgré tous les obstacles? Bah, je suis venu pour les vaincre. Rien ne vous découragera. Rien. Il m'aime comme je l'aime. Eh bien, c'est parfait, mes enfants. Quelle plus douce chose pour un père que de voir sa fille aimée comme elle le mérite. Et aimant si intensément l'homme de son choix. Eh, maintenant, Julie, laisse-nous. La rejoins ton maman. Le séminaire et moi, nous avons à parler de façon plus concrète. Eh oui, la puissance d'un idéal, ça n'a malheureusement aucune influence sur les rentes. Julie, Julie, Julie. Comme vous voudrez, papa. Nous sommes seuls. Nous allons parler français. Monsieur, vous n'aimez pas ma fille? Dites, monsieur, que vous avez en vue un riche parti pour Julie, que vous ne voulez pas tenir compte de ses inclinations, et je vous comprendrai. Mais sachez-le, monsieur, je ne suis venu vous demander sa main qu'après avoir obtenu son cœur. Son cœur? Son cœur? Mais vous m'effrayez, monsieur Minard! Julie est aimée respectueusement, si cela peut vous apaiser. Ça m'apaise. Adolphe! Et vous confiez mon secret, mon jeune ami. Je suis sans ressources, ruiné, totalement ruiné. Je vous laisse Julie. Elle sera mieux chez vous, si démunie que vous soyez, que dans ma maison. Elle est sans dot. Je veux dire, elle est dotée de parents pauvres. Et l'adjectif est faible. Il n'y a rien au-delà. Oui, si, nous avons des dettes. Énormément de dettes, des dettes criardes. Je suis jeune, j'ai l'avenir devant moi. Je possède de l'énergie. Mmh. Oui, je suis assez ambitieux, j'arriverai. Mmh. Je me sens capable d'enrichir celle que j'aime. Ah, ben, je connais ça, moi, je me suis ruiné pour Madame Mercadet. Non. Elle va lui conserver ses habitudes d'opulence. Moi aussi, je sacrifiais l'idéal, jadis. Mais les créanciers ignorent la fantaisie. Ils fichent pas mal du bonheur. Convaincu? Aucune pensée d'intérêt n'entache mon amour. Oh, qu'il l'a bien dit! Il l'a bien dit, jeune homme! Vous avez prononcé cette phrase à merveille. Petite étude. Minard, vous aimez assez Julie pour acheter très cher la joie de l'épouser? Mais que peut-on donner de plus que sa vie? Un amour si profondément sincère sera récompensé. Enfin! Et une totale confiance en vous. Je la mérite, monsieur. Allez, venez. Mon gendre. Voici quelques papiers de famille. qui attesteront notre fortune. Ah non, non, non, non, non, je ne suis pas indiscret. Je vous en prie, non, monsieur. Non, mais je... non, mais fortune toute négative. Tenez, lisez. Voici la copie du procès-verbal de la saisie de notre mobilier. Là, vous trouverez des commandements en masse. Ça, eh bien, qu'est-ce que c'est que... Ah, d'abord. Ah, c'est dans cette dérivée, ça. Une signification de contrainte par corps, faite hier. Ça devient sérieux. Regardez encore mes jugements, mes protèges. Voilà. Tous mes dossiers sont classés. Il faut avoir de l'ordre quand on vit dans le désordre. Un désordre bien organisé, on se retrouve, on le domine, tout homme est flatté de voir sa dette inscrite à son numéro. Alors, je me suis modelé sur notre ministre des Finances. Mes remboursements, comme son budget, suivent l'ordre alphabétique. Et lui, comme moi, n'avons pas encore entamé la lettre A. Vous n'avez rien payé. Le total. 380 000 francs. Ah oui, oui, oui, c'est exact. La récapitulation est là. Lili, vous ne vous plaindrez pas. Un père ravi de se débarrasser de sa fille aurait cherché à vous tromper. Il aurait promis une dot imaginaire, des rentes fabuleuses. Que sais-je? On fait de ces tours-là. Et ici, vous traitez avec un homme spécialement honorable. Monsieur Minard, vous êtes plus intelligent qu'il n'y paraît. Si, si, si. On n'épouserait pas une fille pauvre, car quand on n'a que 1200 francs d'appointement, c'est marier la saisie avec le protège. Vous croyez, monsieur? Ainsi, vous pensez que je pourrais nuire à Julie? Ah, Mina, Julie a maintenant son vrai teint. Monsieur, je... Tapez là. Vous avez mon estime. C'est un garçon pourri dedans, vous me plaisez. Ouais, vous mentez avec un aplomb, monsieur Mercader. Pour y être Premier ministre, l'Assemblée est debout, vous acclamerez par Dieu, vous seriez cru. Monsieur Mercader, je ne puis accepter vos sarcasmes. Minard, n'est-ce pas moi qui viens de me plaindre? Vous avez troublé la paix de ma famille, vous avez mis dans la tête de Julie des idées fausses sur l'amour. Elle serait très affectée par votre faute. Vous avez fait le mal, il faut le réparer, le réparer. Me rendez les lettres que Julie vous a écrites. Comment mieux? Aujourd'hui même. Et vous m'aiderez à la marier. Oh, mais monsieur, qu'est-ce que vous me demandez? Je vous demande si vous l'aimez. L'aimez-vous? Oui. Alors, secondez-moi. Il s'agit pour elle d'avoir une fortune et un nom. Mais vous pourrez rester ostensiblement épris d'elle. Hein? Il n'y a rien de déshonorant. Je veux le rôle d'un amant qui se sacrifie en France. Chacun désire tout de suite ce que tout le monde n'a pas. L'envie est au fond du cœur humain. Comme une vipère dans son trou. Incompris. N'ajouterai plus rien. Quant à Julie, Julie, venez, je vous prie, venez. Je vous laisse le soin de la préparer à ce changement. Moi, elle m'accuserait de lui mentir. Si je lui disais que vous renoncez à elle, attention, voilà. Je vous laisse. Adolphe, alors? Alors. Mademoiselle. Mademoiselle. Je ne suis plus Julie. Avez-vous tout réglé avec mon père? Oui, enfin, c'est-à-dire votre père a des raisons judiciaires. Excusez le lapsus. Je voulais dire judicieux. Adolphe, vous ne m'aimez plus. Ah si. Toujours et très fort. J'avais le cœur serré déjà. Non, mais Julie. Non, Julie. La situation de M. Mercadet est très mauvaise. Elle nous voue à la misère. Il y a des hommes à qui la misère donne de l'énergie. Eh bien, moi... Oui, moi, elle m'abat. J'aurai du courage pour deux. Vous verrez toujours mon sourire pour vous stimuler. Je ne vous serai pas à charge, je passe sur porcelaine, je gagnerai presque autant que vous. Notre appartement sera un véritable palais. Je ne vous ai jamais vue si belle. Mais Adolphe, mais est un adverbe sournois, c'est oui ou c'est non. Peut-être ce qu'on souhaite à la rigueur, alors que oui, mais est une formule de calotin. Ah oui, mais... Monsieur Mercadet a fait appel à ma délicatesse. Il m'a prouvé combien l'amour était une passion égoïste. Pas quand il est partagé. Non, mais Julie, il y a deux manières d'aimer. Il n'y en a qu'une. L'amour qui vous livre à la misère est extravagant. Mais l'amour qui se sacrifie à votre bonheur est héroïque. Mon seul bonheur, Adolphe, est d'être vôtre. Votre père m'a demandé de renoncer à vous. Vous avez renoncé? J'essaie. Je le voudrais. Mais mystérieusement, je ne le puis. Il y a quelque chose au fond de moi qui me répète que je ne serai jamais plus aimé que... comme je le suis par vous. Certes, Adolphe. Mon amour ne s'invente pas, il est vivant. Pourquoi en parlerai-je encore? Je ne puis l'accepter qu'en vous demandant de l'oublier. Eh bien, adieu, Adolphe. Adieu! Ne m'en veuillez pas de ma cruauté. J'opère à vif. Mais c'est pour votre bien. Un jour, vous me remercierez. Papa, je suis laide. Il y a pire. Mes illusions s'en vont. Adolphe ne m'aimait pas. Et la terre continue de tourner. N'est-ce pas? Je suis résignée. Je serai madame de la Briffe pour vous sauver. Oh, Julie, Julie, je vous retrouve. Je vous regarde, je m'en réjouis. Julie, notre société est heureusement divisée en loups et en dindons. La race des premiers m'enchante, j'en fais partie, soyez-en. Menons ensemble grande bombance. L'or vous conférera toutes les grâces. Vous serez belle si vous devenez riche. Tenez-moi la main et préparons ensemble notre succès. Moi, je savoure déjà ma revanche. Oh, ils vont pleurer, tous ces troglodytes qui travaillent en dessous à me détruire. Bon courage, monsieur de la banque, de la bourse et du bluff. Mercadet, forge une nouvelle philosophie des affaires par l'éloquence qui éparte le mouvement, qui surprend l'éclat qui éblouit et la magnificence qui agenouille. Je renais. Je vous ai vu entrer et me voici aussitôt. Je suis sans fierté. Et moi sans force. Vous ne m'aimez pas autant que je vous aime, Adolphe. Si seulement vous aviez du regret, je ferais manquer ce mariage et mieux sans que mon père sût par quel moyen. Et qu'adviendrait-il après? Nous aurions l'avenir pour nous. Les chances de notre avenir sont nulles. Comment pouvez-vous parler ainsi? Écoutez-moi, Julie. Je me sens coupable envers vous. J'en éprouve une peine immense. Et c'est pourquoi je me crois digne d'être pardonné. Vous m'avez cru cupide, mais je vais être sincère. J'espérais que votre fortune serait le tremplin qui me permettrait de vous offrir la situation dont je rêvais pour vous. Ne dites pas un mot de plus. Je vous pardonne vos ambitions, vos calculs. Je suis sûre maintenant que vous m'aimez. Je ferai manquer ce mariage. J'ai dans le crâne une petite voix entêtée qui répète sans cesse « Tu seras heureuse, tu seras heureuse. » Julie ! Votre père se fâcherait s'il voyait ainsi occupé à causer. Surtout avec Monsieur Minard. Allez vous habiller, messieurs de la Brive et de Méricourt pourraient vous surprendre dans cette tenue négligée. Madame, ma visite n'est pas indiscrète. Je viens rendre ses lettres à mademoiselle et lui redemander les miennes, selon le désir de Monsieur Mercadet. Maman, vous savez maintenant que nous nous aimons. Ne ferez-vous donc rien pour votre fille? Julie, dans sa situation, votre père a besoin d'un gendre qui lui soit utile. Qui le seconde dans ses opérations. Il est condamné si ce mariage échoue. Et moi, ma vie ratée, définitivement ratée? Duval, ancien caissier de messieurs Mercadet et Godot. C'est aussi un des créanciers de monsieur Mercadet. Oui, madame, mais je viens de lui parler des problèmes de monsieur Mercadet. Certes, il les connaissait déjà, madame. Cependant, il ne les trouve pas insolubles. Je peux le convaincre de se charger de la liquidation. Mon mari liquidé? Mais vous plaisantez? Mais semblable aux joueurs accrochés à la table où se décide son destin, fasciné par les cartes, espérant toujours tirer un carré d'as. Je ne sais vraiment pas jusqu'où il serait capable d'aller pour conserver le droit de faire fortune. Lui liquider, renoncer aux affaires, mais c'est sa vie. Oh non, monsieur. Non, vous ne ferez pas revenir sur sa décision. Et puis-je le blâmer comme épouse, comme mère, d'avoir su prendre le parti de la fortune? Oh, je nous vois si proches de la misère. Cessez, maman, vous me faites mal. Messieurs de la Brive et de Méricourt. Oh, faites-les attendre ici, je vais demander à monsieur Mercadet de les recevoir. Oh, allons, Julie, allons changer de robe. Suivez-moi, Adolphe. Je vais vous rendre vos lettres. Entrez, messieurs. Ces dames sont encore devant leur miroir et prient ces messieurs de bien vouloir attendre un moment. Monsieur Mercadet vient tout de suite. Enfin, mon cher, te voilà dans la place. Bientôt, tu seras officiellement fiancé à Julie Mercadet. Ah, attention, conduis bien ta barque, le papa est un finot. Oui, c'est ce qui m'effraie, il sera difficile de le tromper, hein. Moi, je ne crois pas. Mercadet est un spéculateur aujourd'hui dans l'aisance. Il peut se retrouver misérable demain. Et vois-tu, je pense qu'il est enchanté de mettre une partie de sa fortune sous le nom de sa fille. Par surcroît, un gendre, là, capable de l'épauler, n'est pas pour lui déplaire. Non, mon vieux. Moi, j'ai confiance. Et s'il voulait prendre un peu trop de renseignements? J'en ai donné d'excellents. À madame Mercadet, une femme de 40 ans, estime que tout ce que lui dit son amant est forcément vrai. Ce qui m'arrive est trop beau, à peine crédible. Enfin, vas-tu perdre ton aplomb? Bon, bien sûr, ta position est au plus bas. Oh, ça! Je conçois qu'il faut être à bout de souffle pour se marier. C'est un suicide pour Don Juan. Mais voyons... Peux-tu tenir encore? À condition d'aller vite en besogne. Je m'appelle Michonin pour les huissiers. Mon tailleur se refuse le goujat à comprendre mon avenir. Mon cheval vit à crédit, ce qui est gentil de sa part. Quant à ce malheureux de la Brive, je ne sais comment il respire ni où il se nourrit. Je n'ose pénétrer ce mystère. Oh, Méricourt, ne sommes-nous pas assez avancés en civilisation pour qu'on fasse une loi qui supprimerait toutes les dettes à chaque premier de l'an? Ah, ben mon vieux, il y a l'amnistie. Oui, l'amnistie. C'est l'invention commode et magique d'un homme d'État de génie. Elle permet, sur simple décret, de tirer du puits les bons qui ont mal tourné, les crapules qui se sont fait des relations, le contribuable qui se refusait à contribuer, et l'ennemi politique, quand il a cessé d'être dangereux. Elle rend sympathique, elle est magnanimité, elle est populaire. C'est pourquoi l'amnistie vient toujours un jour. Oui, en attendant, je dois payer. Oh, payer. Oui, de ma personne, c'est mon seul capital. Oui. Ah, je les vois d'ici, nos mégères, des salons à la mode, quoi, vous avez vu? Ce petit de la Brive, ce garçon très coté dans le monde, assez heureux au jeu, de visage agréable et qui n'a pas 30 ans, eh ben, il se marie à la fille d'un spéculateur. Chut, l'aide, dis-tu? Entre le ziste et le zeste, je crois. C'est un peu démoralisant. Ouais. Mais l'oisiveté me lasse, il faut travailler. Notre malheur, à nous autres les aristocrates, c'est de nous sentir aptes à tout et de n'être en définitive bon à rien. La société n'a pas créé d'emploi pour nous. Non. Eh ben, c'est entendu. Je ferai des affaires avec Mercadet, c'est un de nos grands faiseurs. Nous remuerons à nous deux le monde du commerce. Et tu es certain au moins qu'il ne peut pas allouer à sa fille moins de 150 000 francs. Mais tu es aveugle. Enfin, regarde autour de toi. Tout respire l'opulence, ici, tout est luxe. Oui, ça promet. Mmh. Ah, as-tu la possibilité de t'engager? J'ai gagné hier au club de quoi faire les choses très bien pour la corbeille du mariage. Ah. Je donnerai un peu et je devrai le reste. Moins mis à part, à combien se montent tes dettes? Oh, une bagatelle, 150 000 francs. Bah, que mon beau-père fera réduire à 50 000. Par conséquent, il me restera 100 000 et c'est bien suffisant pour lancer un premier marché. Je l'ai toujours dit, c'est quand je n'aurai plus le sou que je deviendrai riche, moi. Non, Mercadet te questionnera. C'est un matois. Es-tu prêt à lui répondre? Je possède la terre de la Brive. Bien. 3000 arpents dans les Landes, qui vaut 30 000 francs. Hypothéqué de 45 000. Hein? Et qu'on peut mettre en action pour l'extraction de n'importe quoi au chiffre de 100 000 écus. Oh, Méricourt, tu ne peux pas te faire une idée de ce qu'elle m'a déjà rapporté, cette terre. Oui, mais ta terre, ton nom et ton cheval sont à deux chins. Patio. Bon. Tu es décidé. Je veux être un homme politique. Il faut une femme pour ça. L'aide de préférence, ça émeut le peuple. Alors tu es assez adroit pour cet office. Pour vous appeler au partage du pouvoir, on ne vous demande pas aujourd'hui ce que vous pouvez faire de bien, non? Mais ce que vous pouvez faire de mal. Il ne s'agit pas d'avoir des capacités, mais d'inspirer la crainte. On n'est pas très vaillant en politique. On ne peut pas blanchir tout cet tas de linge sale. Alors, on se méfie, on fait le dos rond, on fait échange de scandales. Donne-moi le beurre, je te passe un fromage. Ah, je connais parfaitement notre époque. Tiens, en dînant, en jouant, en faisant des dettes. Oh, les dettes. Oui, oui, parfaitement. Je faisais mon cours de droit politique. Oui. Mais là, d'homme à homme, bon, tu n'as que le jargon de la réclame ou du racolage. Mais il y faut aussi un peu de savoir. Mon ami, dans tous les métiers, en art, dans les sciences, dans la littérature, il faut une mise de fonds, ou des connaissances savantissimes, ou des dons particuliers, ou simplement du talent. Il faut prouver nécessairement. Ouais. Alors qu'en politique, on a tout, et on est tout avec trois ou quatre mots. Ah, lesquels? Les principes de mes amis, l'opinion à laquelle j'appartiens. Oh, la ligne de conduite du parti. Alors ça. Enfin, mon cher Méricourt, il vaut mieux être bête comme tout le monde qu'intelligent comme personne. Oh, ça. Monsieur est sans doute monsieur de la Brie. Oui, monsieur. Qu'est-ce que c'est que ça? Ah, c'est le petit imbécile qui fait la cour à l'héritière. À l'héritage? Oui, et qu'on a refusé pour toi. Vous êtes heureux, monsieur? Vous avez les privilèges de la fortune. Une jeune fille vous plaît? Vous l'épousez? Permettez-moi de croire, monsieur, que sans aucune fortune, j'aurais encore quelques chances personnelles. Ah, monsieur, si je possédais le quart de la moitié de ce que vous avez... Alors là, pauvre garçon, n'aurait pas foi. Je ne céderai à personne ce trésor de grâce et de perfection. Vous avez pour vous l'autorité de monsieur Mercadet. Et vous, monsieur? Moi, monsieur! Je n'ai que mon amour pour Julie. Ah. Monsieur, je voudrais vous être utile, cela m'est impossible. Je souhaiterais vous être agréable. Je ne le puis. Hélas. Monsieur, puisque le hasard fait que nous nous rencontrons, je me sens la force de vous dire, monsieur, rendez-la riche et heureuse. Bonjour, mon cher Méricourt. Vous avez vu ma femme? Non. Ces dames nous font bien languir, hein, toutes les mêmes. Dès qu'il s'agit de leur toilette, un tremblement de terre les enverrait au ciel sans qu'elles s'en aperçoivent. Monsieur Minin, je vous croyais homme de tact. Nous nous sommes, j'imagine, assez nettement expliqués. Pardon, monsieur. La passion justifie bien des actes. Toutefois, il est certaines délicatesses qu'il ne se oublie pas. Je vous comprends très bien, monsieur. Il n'est pas redoutable. Vous pourriez être un peu plus accablé. Adieu, monsieur Mina. La belle salue au moins un soupir. Quelque chose. Adieu, messieurs. Soyez indulgents pour un homme qui perd sa raison de vivre juste au moment où la vie allait lui donner raison d'être né pour cette raison. Bon, ça va, ça suffit. C'est ça suffit. Adieu, messieurs. Adieu, mineurs. Pauvre Minard, au fond, je le plains. Il adore Julie, mais que voulez-vous? Il n'a pas 10 000 livres de rente. Oh, on ne va pas bien loin avec cela. On végète. Et pourtant, il avait bien flairé ce que vaut Julie, mais comme il est très rusé, il avait mis ma femme de son côté. Heureusement, j'ai l'œil. J'ai déjoué la manœuvre en homme qui connaît la musique. Car M. Dabrive en intrigue, en affaire. Je ne crains personne. Vous ne pouviez accorder la main de votre fille au premier venu. Je m'en vais. Ne perdons pas de temps. Ces dames vont nous rejoindre en les attendant. Parlons sérieusement, nous en prie, messieurs. On me surnomme droit au but. Aimez-vous Julie? Passionnément. Un peu trop. Pour être heureux en ménage. Non, mais Arcadet, j'interviens. Voilà. Mon ami de l'abri, là, adore la musique. Alors, la voix de Julie, son timbre chaud, son étendue, sa souplesse, enfin, tant de qualités l'ont ébloui. Monsieur a déjà entendu ma fille? Et... Où? Son nom m'échappe, là, chez un banquier, ancien représentant de... Verdelin. Verdelin, Verdelin. Oh, oui. L'esprit de votre fille me ravit. Monsieur, je crois à la loi des contrastes. Ainsi, moi, je vais à la bourse, ma fille déploie ses ailes et traverse la nuance. Elle est toute orbe, elle est toute poésie. Vous êtes de l'école romantique? Non, monsieur. Ah. On ne peut aimer Julie si on ne cultive pas un certain idéal. Eh bien, explique-toi. Monsieur, je suis ambitieux. Ah, ça, c'est mieux. Oui, j'ai reconnu en mademoiselle votre fille un être délicat, plein d'esprit, doué de beaucoup de charme. J'ai pensé que sa présence ne serait jamais déplacée en quelque lieu que je me trouve. Ceci est capital pour la réussite d'un homme politique. Raisonnement impeccable. Une femme, en effet, ça se dégote toujours. Mais il est rarissime qu'un homme qui veut être ministre ou ambassadeur de France rencontre, n'ayant pas peur des mots, sa femelle. Monsieur, vous êtes l'avenir de la France. Ben, naturellement, je suis socialiste. Et moi, je suis capitaliste. Embrassons-nous. Nous fonderons le socialisme du capitalisme. Mon gendre, coexistons. Nous partagerons le monde des finances. Et ceci me ramène naturellement à vous dire, messieurs, parlons de nos intérêts. Oh, il me semble que cela regarde vos notaires. Non, non, monsieur a raison, cela nous regarde bien davantage. Monsieur a raison aussi. Monsieur, je possède pour toute fortune la terre de la Brive. Elle est dans ma famille depuis 150 ans et n'en sortira jamais, je l'espère. Ça me tracasse. Aujourd'hui, il est préférable de posséder des capitaux. Oh, ça... Les capitaux, on les a sous la main. Si les quatre une révolution, ils s'évadent avec vous et vous suivent partout. La terre, au contraire, la terre dans ces cas-là, paye pour tout le monde. Elle reste comme une sotte à recevoir les impôts. Bon, ce ne sera pas grave, je ne suis pas mauvais diable. Cette terre, quelle est son importance? 3000 arpents, sans enclave. Sans enclave? Je vous le disais bien. Monsieur. Un château? Monsieur. Des marais salants qu'on pourrait exploiter dès que l'administration délivrera son autorisation. Ah. Et si je deviens ministre, cela ne traînera pas. Oui. Nous serons alors assurés de produits énormes. Mais pourquoi nous sommes-nous connus si tard? Cette terre, par conséquent, est au bord de la mer. À une demi-lieue. Oui. Oui. Située où? Non, mais exactement. Il va pas être Bordeaux. Ah, mais c'était pas tant le terrain à Bordeaux. Ça se négociait l'américaine. En dollars en. Vous avez des vignes? Non. Heureusement, non. La vigne suppose trop de frais. Le vin se vend mal. Non. Ma terre exige peu d'entretien. Elle fut plantée en pin par mon grand-père, Anatole de la Brive, oui, qui eut l'esprit de se sacrifier pour sa postérité. Ah, j'oubliais. Oui, j'ai le mobilier. Bah, le mobilier que vous connaissez. Ah oui, le mobilier. Ah, votre mobilier, votre terre, vos marais, je vois le parti qu'on peut tirer de ces marais-là. Nous fonderons une société en commandite pour l'exploitation des marais salins de la Brive. Jeune homme, il y a plus d'un million à ramasser. Je le sais bien, monsieur. Il reste à se les faire offrir. Ah, il est drôle, hein? Oh, ah, il est drôle. Bon, autre chose. Avez-vous des dettes? Non, mais dis-le tout. Bah, cette terre est-elle hypothéquée? On peut vous aider officiellement à un domaine dont la propriété appartient secrètement à ses créanciers. Mercadet, voyons. Vous n'estimeriez pas mon ami s'il ne devait pas quelque argent? Monsieur, je serai franc. Il y a pour 45 000 d'hypothèques sur la terre de la Brive. Monsieur. Vous serez mon gendre. Vous êtes l'époux de mon choix. Vous ne connaissez pas votre fortune. Ça va trop bien. Il avait une spéculation qui le fascine. Vous réalisez ce que j'attendais d'un gendre. Vous n'avez pas l'esprit mesquin de nos propriétaires de province. Nous nous entendrons. Monsieur, vous ne vous vexerez pas si de mon côté je me renseigne. Ma fille recevra de la part de sa mère une petite ferme qui n'a que 200 arpents, mais située en Brie et bien bâtie. Hein? Moi, je lui laisse... 200 000 francs, hein, dont je vais servir la rente jusqu'à ce que vous ayez trouvé un bon placement. Ne nous abusons pas de la Brive, nous allons brasser des affaires. Je vous sais pas, vous me plaisez. Vous coudez le luxe, vous désirez briller à Paris, jouer un grand rôle, n'est-ce pas, de la Brive? Eh oui, monsieur. Ah, j'ai deviné ça. Je connais les hommes, je les jauge, je les juge, je les soupèse, vous savez, de la tenue que nous appelons de la branche. Moi-même, je suis vieux, déjà. Bon, ça fait rien. L'heure a sonné de reporter mon ambition sur un autre moi-même. Ah, monsieur, j'aurais eu à choisir entre tous les beaux pères de Paris, c'est à vous à qui j'aurais donné la préférence. Vous êtes fait selon mon cœur. Il s'en va. Mon ami n'ose vous l'avouer, mais oh, il est trop honnête homme pour vous le cacher. Il a aussi d'autres petites dettes. Vous pouvez parler, monsieur. Je comprends parfaitement ces choses-là. Voyons ces misères. 50 000 francs, peut-être? Oui, c'est cela, enfin, à peu près. Et à peu près. Ah, puis ah, mais nous les paierons en action des barres salins de la prise. Hein? Qu'est-ce qu'il y a, c'est une pécadille, 50 000 francs. Nous évaluerons les temps. 100 000 francs de plus, voilà tout. Oh, je suis sauvé. Je suis sauvé. Oh, oh les voilà. Souris, bon Dieu. Madame, permettez-moi de vous présenter monsieur de Labrie. Ah, voilà. Il est de mes amis. C'est bon, hein? Et il ressent pour votre fille une admiration... passionnée. Ah, jeune coquin, je le devine. Vous prisez les Espagnols, hein? Regardez-moi. Regardez-moi ce teint. T'es pas une véritable Andalouse, ça? Il n'y a que les femmes brunes pour résister aux tempêtes de la vie. Mais j'aurais craint une blonde. Monsieur! Ma fille est tout à fait la femme qui convient à un homme politique. Elle est muette. Souris, mon Dieu. Parfaitement moulée, admirablement habillée. Telle mère, telle fille. Oh, joli. Oh, c'est joli. Madame, je place tous mes espoirs sous votre protection. Mademoiselle, j'ose espérer que vous ne vous opposerez pas à mes voeux. Je dois obéir à mon père. Cela fait 2 mois que j'attends avec ferveur le bonheur de vous présenter mes hommages. Oh! Je suis flattée, monsieur, d'avoir pu attirer votre attention. Oh, il est très bien. Très bien. Très elle n'est pas si mal. Ma mère, permettez-moi de savoir si je puis être heureuse en épousant ce monsieur. Ah, ce cadeau du ciel vous va comme un gant. Ces messieurs nous feront bien le plaisir d'accepter à dîner sans cérémonie. Ah. Non, mais à la fortune du pauvre. Non, de l'abri, vous serez indulgent, je vous le promets. Monsieur de Mérico, voulez-vous me donner votre avis sur un tableau que nous venons d'acheter? Nous allons vous laisser causer avec votre fiancé. Merci, maman. Alors, Auguste! Oui, mamie, j'arrive! De la Brive, elle est romanesque comme toutes les jeunes filles. Prenez avec elle les chemins de la poésie. Oui, cachons l'action sous la phrase, j'ai compris, je serai romanesque. Ah! Il est vraiment très fort, ce jeune homme! Très, très fort! Souris, bon Dieu! Monsieur! Ne trouvez pas étrange que je vous demande des preuves de votre amour subi. Ma méfiance m'est commandée par la connaissance que j'ai de mon peu d'attrait. Cette modestie est déjà un attrait, mademoiselle. Et si j'avais cette beauté miraculeuse qui suscite des passions soudaines, je trouverais des motifs à votre recherche. Mais pour m'aimer, il faut connaître mon cœur. Et nous nous voyons pour la première fois. Mademoiselle, il est des courants irrépressibles. Vous ne savez pas pourquoi vous m'aimez? Le jour qu'on se l'explique, l'amour existe-t-il? Non, la première fois que je vous ai vu... Ce n'est pas la première fois. Mais comment cela fait 2 mois que je vous aime? Je vous ai entendu au dernier concert de monsieur... Verdelin. Verdelin, oui, votre voix m'a révélé toute une sensibilité, une... Qu'ai-je donc chanté? Ah, je ne me souviens que de l'impression, mais qui fut ineffable. Ainsi vous m'aimez, rien ne vous arrêterait. Rien. J'aime un autre garçon, monsieur. Oui, je l'ai aperçu. Je vous l'avoue, il m'a déçu. Votre jugement m'a donné des inquiétudes. Il n'est pas votre fait, du tout. Vous vous trompez. Je ne puis renoncer à lui qu'en faveur d'un grand sacrifice. Mon père m'a dit que vous étiez prêt à l'aider dans ses affaires. Sous cette condition, j'oublierai cet amour que je souhaitais éternel. Je serai une épouse fidèle et aimante. Cessez de mettre ma passion sincère à l'épreuve. Et sachez que monsieur Mercadet et moi, nous nous sommes entendus sur les questions d'intérêt. Il vous a tout dit? Tout! Vous le savez ruiné? Comment ça, ruiné? Oh, mais il doit environ 300 000 francs. Il doit 300... Vous ne m'aimez pas! Oh, vous êtes très forte, hein? Quand bien même votre père devrait des millions, je vous épouserai toujours. Car je vous aime. Ah, vous jouez très bien la comédie, je m'en félicite. Vous serez une ambassadrice prodigieuse. Mademoiselle, monsieur Pierquin désire parler à monsieur votre père. À propos de monsieur Delabrive, je crois. Mon père est dans la salle d'exposition. Pierquin, dans cette maison, décidément, c'est mon jour de guigne. Mademoiselle, je suis votre obligé. Mais c'est mon Michonin, ma parole. Vous connaissez ce monsieur ? Est-elle rusée, Lamartine ? Je vois que vous êtes du complot. Quelle organisation ? Qui est-ce ? Michonin, débiteur introuvable. Ne le lâchez pas, je vais alerter la police. Pour arrêter monsieur Delabrive ? Michonin pour nous, si vous permettez. Il n'est pas riche ? Un gibier de prison qui a ses meubles sous le nom d'un ami. Oh, vous me racontez là l'histoire la plus drôle de toute l'histoire des histoires. Amusez-le, je vous en supplie. Une fois coffré, je gage que ce gaillard-là se fera délivrer par quelques dames en mal d'aventure salace. Monsieur Mercadet vous prie de l'excuser, monsieur. Il est occupé par le mariage de mademoiselle. Tiens donc, et avec qui ? Mais avec ce monsieur. Oh non, c'est pas vrai. Oh non, mais ce serait trop beau. Oh, c'est marier deux faillites ensemble. Oh, on va rire à la bourse comme jamais. Ah, j'y cours. C'est... Vous nommez-vous Michonin, monsieur Delabrive ? Oui, mademoiselle, c'est notre nom de famille. Pierquin dit-il la vérité lorsqu'il prétend que vous avez des dettes ? Oh, très peu, et je les ai déclarées à votre père. Ainsi, vous m'épousez par amour et pour ma dot. Mais vous trouverez en moi le plus tendre des maris. Je vous laisserai maîtresse de votre fortune. Et puis, la Brive existe. C'est un charmant petit village où je possède une terre. Oui, j'ai fait comme beaucoup d'autres, j'ai pris le nom du village et depuis 10 ans, je me nomme de la Brive. Hélas, monsieur. Moi aussi, je suis sans fortune. Julie ! Voilà, vous mène vos inclinations pour cet affreux minard. Elle vous pousse à calomnier votre père. À éclairer, monsieur Michonin, qui ne peut épouser une fille sans argent. Monsieur Michonin. Monsieur s'appelle Michonin. Michonin de la Brive. Julie, laisse-nous. Pierquin est parti pour faire emprisonner monsieur. J'espère que vous ne le permettrez pas. Je ne voudrais pas avoir joué un vilain rôle. Trop tard, on n'arrête plus quand le soleil est couché. D'ailleurs, j'aviserai Pierquin. A vu, monsieur ? Oui. Ah, le diable entre dans mon jeu. Oh, la noce est un mirage. Je suis bien plus que socialiste, je deviens communiste. Trompé ! Trompé comme à la bourse ! Et par Méricourt, l'amant de ma femme, à qui se fier ? Monsieur Michelin, votre attitude est insane, je la blâme. Je ne vous ai pas caché mes dettes. Soit, on peut avoir des dettes, mais vos terres, hein? Vos fameuses terres dans les Landes, ça consiste en quoi? En sable planté de sapins. De quoi faire des cure-dents? À peu près. Ça vaut? 30 000. C'est hypothéqué de? 45 000. Vous avez eu ce talent-là? Mon Dieu, oui. À foutre, c'est pas bête du tout. Et vos fameux marais touchent la mer. C'est l'océan, quoi. Du sable, rien que du sable. Les gens de ce pays sont de méchantes langues. Mes emprunts se sont stoppés net. Ah ben, il était difficile de mettre la mer en action. Si vous me passez l'expression, ça n'est pas la mer à boire. Non, mais à faire avaler. Dites-moi, mon petit vieux, votre moralité me paraît assez contestable. Vous signez d'après certains dossiers que je possède, vos traites de Michonin, et vous vous faites appeler de la Brive, bravo! Je pourrais vous assaisonner durement à des piments de mon invention. Monsieur, n'allez pas trop loin, je suis votre hôte. Et vous vouliez, à la faveur de ce subterfuge de bassesse rabutante, pénétrer au sein d'une famille respectable, abuser sa confiance, pis! Vous avez faim d'aimer ma fille, monsieur, mais vous êtes... Ne dites pas le mot, il vous coûterait la vie! Monsieur, vous êtes mon hôte. Du calme, je vous en prie, du calme. Julie a-t-elle une dot ? Bon. Non, aviez-vous 200 000 francs ? Hey, votre silence parle, non, vous n'aviez pas 200 000 francs. Et moi, j'engageais ma liberté, vous cherchiez à escroquer un genre. Oh, le verbe est fort. Vous le méritez. Vous osez m'affronter ? Profitez de ma naïveté. Ta naïveté ! La naïveté d'un homme qui emprunte sur des simples une somme de 60% au-dessus de leur valeur me fait doucement rigoler. avec du sable. On fait du cristal. Mais c'est une idée, ça. Vous voyez bien que nous nous ressemblons, nos moralités sont identiques. Mais qui me trompe, monsieur, vous êtes mon débiteur, je vous tiens. Je peux vous aplatir. Pierre m'a cédé pour 48 000 francs de votre traite. Frais et intérêts. Vous ferez coffret pendant 5 ans. Alors là, monsieur, je serai votre hôte. Vous ne prenez pas sur ce ton-là, mon petit vieux, hein. C'est pas vrai. Mais c'est pas vrai. Alors vous, vous vous moquez donc de votre signature. Pas vous. Vous me désarmez, hein. Vous crânez, là, et votre situation. Oui, et quasi désespéré. Méricourt me marie parce que je lui dois 30 000 francs. Je ne vous ferai pas un cours de déontologie. Non, je préférerais un billet de 1 000. Moi aussi. Allons, oubliez tout. Soyez mon beau-père. Non. Nos deux misères feraient une trop grande pauvreté. Oh, vous allez m'écouter, vous? Ce monsieur dîne-t-il toujours? Oh, certainement, dans les circonstances dramatiques, les dîners portent conseil et va aide à la connaissance profonde de l'homme. J'ai l'appétit de mon désespoir. Dis non. Je viens d'apercevoir la voiture de Verdelin. Verdelin est mort, qui est plus petit pour que la fête s'accomplisse. Qu'est-ce que je vais lui dire, moi? Monsieur Verdelin. Je n'amène pas Madame Verdelin et j'ignore même si je peux dîner avec toi. Toi, tu es furieux. Oui, chut, chut, chut. Baisse la main de ma femme. Allez. Oh. Qu'est-ce qui va pas, mon vieux? Est-ce là ton gendre? Est-ce là ce beau mariage? Verdelin, ce mariage ne se fera pas. Je suis trompé par Méricourt. Méricourt! Tu sais ce qu'il nous est. Mais figure-toi que... Mais il n'y a pas de mais. Ce matin, tu m'as servi une de tes comédies avec distribution de personnages à ta femme et à ta fille pour m'arracher 1 000 écus. Je m'en doutais et je me suis pris dans ton filet. Mercadet, tu es... La chef, ah, je sens que tu vas me faire de la peine. Tu es là, tu es là, tu te lances contre moi, tête baissée. Tu me soupçonnes, tu me juges. Tu réfléchis pas, hein. Raisonne un peu. Pourquoi t'aurais-je emprunté ton service de table? Pourquoi aurais-je habillé mes femmes à neuf si j'avais pas cru à ce mariage? Manqué! Tout le monde en rit. Tu as ton portefeuille plein de créances sur ton gendre. Et ça me fait rire! C'est drôle. Pierre-Quin m'a dit que tes créanciers se réunissaient ce soir chez Goulard pour agir comme un seul homme. Ça, c'est moins drôle. On veut débarrasser la bourse autant qu'on le pourra de tous les faiseurs d'affaires. Les imbéciles! Alors demain, on m'emballerait? En prison, dans un fiacre. Un fiacre? Le corbillard du spéculateur. Mais quelle horreur! Allez, viens dîner, mon gros. Ce dîner me coûte trop cher, il ne passerait pas, mais... Laisse-moi tenter, Verdelin. Demain, la bourse reconnaîtra Mercadier de ses maîtres. Je te l'affirme solennellement, toutes mes dettes seront remboursées. Toutes! La maison Mercadier m'allaxera des millions. Je serai le Napoléon des affaires. Et sans Waterloo. Tu me donnes le vertige. Je peux te répondre à un négociant qui vous dit, messieurs, passez à la caisse. Je dîne. Après tout, j'aurai au moins récupéré ça. Vivat Mercadetus speculatorum imperator. Demain, je trône sur des millions. Ou alors... je me couche dans les draps humides de la Seine. Ils sont passés à table. Méricourt coule des regards langoureux à Madame Mercadet. Sa chaussure épie sous la table, la bottine compréhensive. Thérèse sert les hors-d'œuvre. Verdelin raconte des histoires lestes. Il rit beaucoup, tout seul. Parfois, Mercadet l'imite. Par complaisance. Thérèse sert le rôti. De la Brive fait le beau pour gagner sa sucette. Julie fixe le lustre, les yeux vides. Thérèse sert le fromage. De la Brive refait le monde, Verdelin refait le monde, Mercadet refait le monde. Mais c'est toujours le même. C'est leur monde. Thérèse sert le gâteau de fiançailles. Le vin fait monter les enchères, c'est à qui on rajoutera pour mieux briller. Moi. Ce ne sera donc jamais nous. Thérèse sert le café, les alcools, les liqueurs. Vite, très vite, plus vite. Inexorablement, le temps égrène son chapelet de grains de minute. On se congratule, on se sépare. La nuit vient, majestueusement suivie de son cortège de nébuleuses. Sous ses ailes recouvertes d'ombre, se trament de nouvelles harmonies. Peu à peu, le jour se dépouille de ses cocons de rosée. Il a percé les mille et un ventres des ténèbres, puis il sera encore, comme toujours, le témoin impavide du combat de l'homme contre l'homme. Justin ! Monsieur ? Il faut que l'arrivée de M. Godot soit tenue secrète, hein, c'est essentiel. Alors, monsieur, vous êtes tué ! M. Prédif est déjà sorti ! Le tapage que cette berline a fait cette nuit, en entendant la cour à 2h du matin, a réveillé toute la maison. M. Prédif fut le premier à sa fenêtre. Ah, il a cru d'abord que monsieur partait pour Bruxelles. Allons donc, tu te crois déjà mon secrétaire ? Te pardonne, Justin, parce que tu me comprends. Monsieur, cette berline est savamment crottée. Seulement, le père Grumeau a observé qu'elle n'apportait pas de bagages. Godot avait une telle hâte de réparer ses torts envers moi qu'il a oublié ses colis au Havre. Hein? Il arrive de Calcutta. Son bateau transporte une cargaison d'une abondance inaccoutumée. Sa femme est restée là-bas. Non. Tu sais qu'il a fini par épouser la mère de son fils. Il est fort heureux que monsieur ait passé la nuit à travailler. À l'ordinaire, monsieur veille rarement si tard. Ainsi, il a pu... Recevoir Godot! Pour remplacer, vous avez fait ripaille, monsieur Justin. Vous êtes enivré. Monsieur, nous n'avons bu que des fonds de bouteille. Passons. Si tu pouvais faire entendre qu'il n'y a pas de Godot. Non, mais comme ça, sans insister. Ça modérerait l'ardeur de mes créanciers. Traiterait avec eux à des conditions tolérables. Expédie le père Grumeau chez mon courtier baron. Monsieur Berger, rue des Filles Saint-Thomas. Je parie qu'à celui-là, le père Grumeau peut annoncer l'arrivée de monsieur Godot. Justin, tu feras fortune, tu as de la juchotte. Allez, va. Et surtout que personne ne nous dérange avant que je ne t'ai sonné. Bien, monsieur. Et maintenant, Michonne, à nous deux. Michonne, vite, dépêchez-vous. La police est là. Police Rassurez-vous, c'était pour vous bien réveiller. Qu'est-ce qu'il y a? Vous trouvez pas ça drôle? Hein, tant pis, moi j'adore ce genre de blague. Bon, vous avez toute votre intelligence? Oui, je n'ai même plus que ça. Je serai bref. Alors je m'assieds, papa. Monsieur, l'excessive habileté n'est pas l'indélicatesse. L'indélicatesse n'est pas la légèreté n'est pas l'improbité. Et tout ça s'accouple et se confond à la perfection. Les nuances sont imperceptibles et pourvues. On s'arrête au code. Si le succès vous bénit, on devient une espèce de héros. Beau papa, vous entrez dans ma conscience, vous êtes ma pensée. Que voulez-vous de moi? Je veux vous sauver. Comment? Soyez l'homme qui se compromettra pour moi. Les hommes de paille peuvent brûler. Eh bien, dites donc, soyez un combustible. Comment se fera le partage? Servez-moi. Je vous rends vos 47 233 francs 19 centimes. Et entre nous, vous n'aurez qu'à montrer un petit peu d'adresse. Au pistolet, à l'épée, au sabre? Non, il n'y a personne à tuer. Ça me va. Au contraire, vous faire revivre un homme. Ah, ça ne me va plus du tout, non. Toutes les farces qui font rire aujourd'hui au théâtre sont très mal brisées dans la vie réelle. On y mêle des commissaires de police qu'on ne rose plus depuis l'abolition des privilèges. C'est la seule tare du socialisme. Dis donc, mon petit vieux, 5 ans de tôle dans un cachot sordide, sans vin, sans femme, vous trouvez ça mieux, vous? Et c'est selon ce que vous me préférez. De la Brive, je suis encore debout. Je conserve le droit de fonder des entreprises. Mon esprit sera toujours plus fort que la loi. Les puits ne tueront jamais la spéculation. Je dirai à tous mes semblables, dans seul élan, la majorité c'est moi. Suivez-moi. Voyez-vous, les gens qui cherchent des millions en trouvent très difficilement. Mais ceux qui n'en cherchent pas, n'en trouvent jamais. Acceptez-vous. Que faut-il être? Une espèce d'oncle d'Amérique. Un associé dans les Indes. Ah, si ce n'est que cela. Vous achetez des actions en baisse pour les revendre en hausse. Verbalement. Mais j'ai la signature sociale. Godot, mon associé, sont les servis pour endosser les effets qu'il m'a pris en 1830. Enfin, j'ai tout de même le droit d'en user aujourd'hui contre lui. Il y a des risques. Personne ne vous reconnaîtra. Écoutez, je vous rendrai mon rôle dès que je vous en aurai donné pour 49 233 francs. D'une instantime. Je vous en préviens. Chut, chut, chut. Taisez-vous du bruit. Juste un coup de pont. Rentre, Godot. Tu m'as promis de ne plus chercher à me nuire. Repose-toi, Godot. Passez dans mon boudoir. Vous trouverez une malle en maroquin marron emplie de hardes. Bon, papa, je vais vous mitonner un manitou hindou en sorceleur. Ah, le petit Berchu. Monsieur Berchu. Bonjour, Berchu. Alors, il y a eu baisse hier, hein, sur les actions des mines de la Bassin. Sensationnel, Mercadet. Verdelin en a fait vendre quelques-unes à 25% au-dessous de la cotation. La panique ira ce matin, on ne sait où. Si, à la petite bourse, ces actions baissent de 15% sur le cours d'hier, je prends 2000 actions. Eh oui, mais il vous faudra 300 000 francs. Amener les actions, je paye. Dans la situation où vous êtes, vous achetez évidemment pour Godot. Godot. J'ai appris qu'il était arrivé. C'est malheureux. Si ça vient à savoir, je suis perdu. Comment avez-vous appris le retour de Godot? Votre concierge, que mon commis a fait causer. La voilà la faute. Je suis impardonnable. J'ai oublié de lui fermer la bouche d'une pièce d'or. Un bon conseil, Mercadet. Faites donc porter sa voiture chez un carrossier. Si vos créanciers la voient, ils seront intraitables. Mais non, je ne suis pas inquiet. Pour avoir de l'argent frais, feront quelques petits sacrifices. Mercadet, une idée me traverse l'esprit. Si. Oh, petit tout. Si je traite pour Godot, qu'il me donne un ordre, ça suffira. Oh, mais embêtant, il dort. Dès qu'il sera réveillé, vous aurez l'ordre. L'affaire est conclue. Goulard et deux autres faiseurs m'ont donné mission de liquider à tout prix. Amenez les actions chez Duval. Chez Duval. Oui, car Godot, mon cher, m'a fait l'affront de le prendre pour banquier. Oh. Mon ancien caissier, c'est mesquin. Oh. Mais que voulez-vous que je vous le dise? Il est plein de bonnes intentions à mon sujet, Godot. Et nous, Berchu, on va recommencer à travailler ensemble. Ah. Tenez, je vous bats d'ici à la fin de l'année pour plus de 100 000 francs de courtage chez vous. Oh, puis-je prendre de la basse cindre pour mon compte? Oui, oui, mais poussez à la baisse, hein, dans la coulisse. Tenez, faites insérer cette lettre dans tous les journaux. Elle fait état du rapport des ingénieurs. Et demain, à l'ouverture de la grande bourse, il y aura déjà 15% de hausse. Non. Gardez-moi le secret sur le retour de Godot. Oh, hein. Mais... Bon, démentez, Berchu. Oh, hein. Mais c'est promis. Démentez, hein. C'est promis. Voilà. Il va le tambouriner. Tiens, madame Mercadet. Tu fais encore ta figure de chambre mortuaire. Oh, Auguste, vous comptez sur le mariage de Julie pour raffermir votre crédit, calmer les créanciers. Oh, les événements d'hier soir vous mettent à leur merci. Eh ben, vous n'y êtes pas. Oh, puis-je vous être utile? Utile, vous? La 18 mois, vous vous promenez au bras de Méricourt et vous ignorez tout de lui. Vous tombez béatement dans son traquenard. Alice! Alice! Vous ne serez jamais qu'une bonne femme de ménage! Vous voulez m'être utile? Oui! Très bien, écoutez-moi. Fais un temps super. Demandez une calèche. Emmenez votre fille aller dîner à Saint-Cloud par le Bois de Boulogne. Dans les circonstances présentes, les femmes gardent! Elles ont des nerfs! Allez, vous en prie, sans vous voir! Papa! Je veux rester seul face à mes créanciers! Papa! C'est Adolphe qui. Que... Qui, que, quoi, dont, où, bon? Christian mineur. Christian, vous voulez encore ma fille? Oui, papa. Oui, monsieur. J'ai déclaré mon amour pour Julie à monsieur Duval. Il a approuvé mon choix. Il a dit, elle est comme sa mère, c'est une sainte. Je ne veux pas que Julie épouse un pauvre. Oui, mais j'avais, monsieur, sans le savoir, une petite fortune. Je vous écoute, mon ami. Voilà. Lorsqu'elle me confia au bon Duval, ma mère lui remit une somme qu'il a fait fructifier au lieu de la consacrer à mon entretien. Ce petit capital se monte maintenant à 30 000 francs. Sachant de souci, j'ai prié monsieur Duval de me confier cette somme et je vous la porte, car quelquefois avec des acomptes, on s'arrange. Oh, Minard, mon enfant, les larmes me montent aux yeux. Adolphe, c'est bien d'être bien. 30 000 francs, 30 000 francs. Et on pourrait les tripler en achetant des actions du gaz Verdelin. Ne me tentez pas, vous, ne me tentez pas. Si je pouvais payer 100 000 écus avec 30 000 francs, la fortune de la France, la mienne, serait faite. Mais qu'est-ce qu'il y a? Non, mais gardez votre argent, mon vieux. Quoi, vous me les refusez? Oh, il faut moi que je vous embrasse. Adolphe! Vous épouserez ma fille. Monsieur Mercadet, mais c'est merveilleux, puis-je le croire? Vous entendez ma Julie? Vous l'épouserez quand elle aura 300 000 francs de dot. Monsieur Mercadet, vous vous jouez de nous? Je vous jure que non. Dans un mois, elle sera à vous. Bon, qu'est-ce que vous faites là? Vous devez le ranger. Bon, rendez-moi ça. Oh, mais rangez-moi ce portefeuille! Tu me démanges! Cette façon d'insister! Oh! C'est désobligeant! J'ai pas de temps à perdre, mes enfants, j'ai beaucoup de travail, moi! Alors, je vous en prie! Qu'est-ce que c'est? Narvez ici! Bon, rendez-moi service, invitez ma femme et Julie pour le dîner, hein? Quoi, qu'est-ce qu'il y a, vous? Ah oui, faut de l'argent! Pour les frais, hein? Bon, ça va. Là, 100 francs pour vous. Vous me rendrez la monnaie, hein? Oh, mes chers enfants, si votre père voulait payer ses créanciers, s'il voulait renoncer aux affaires, et aller vivre à la campagne, je serai la plus heureuse des femmes. Sois tranquille, maman. Nous triompherons de la bourse. Oh, il faudrait pas convaincre ton père de tels événements que je ne le souhaite pas. Je suis lasse, Julie. Mal dans ma peau. Je sens que je ne tiendrai plus longtemps, maintenant. Ah! Oh, voilà Goulard. C'est l'homme le plus âpre et le plus féroce que je connaisse. Madame, pardonnez-moi de vous importuner. Ah, votre parfum. Je ne suis pas de ceux qui s'incrustent. Je viens me mettre aux ordres de mon cher ami Mercadet. Mais il est d'une politesse exquise. Mon père aura sans doute trouvé quelques stratagèmes. Je le crains. Monsieur Mercadet va venir. J'ai su l'événement notable qui change la face de vos affaires. Monsieur Goulard, expliquez-vous. Nous ignorons tout. Oh, mademoiselle Julie, vous êtes futé. Oh, je vous en supplie, monsieur, parlez. Ben, l'associé chéri, le voyageur Godot, est arrivé. Comment, monsieur? Non, vous avez vu Godot? Oh, c'est un miracle! Est-il revenu riche? Ben, vous le savez bien, il a débarqué chez vous hier soir. Vous donniez un dîner pour lui, mais il a été retardé. Faut pas nous prendre pour des novices, tout de même. Godot, ici, cette nuit? Ben, j'ai vu sa berline. Oui, maman, j'ai vu une voiture entrer cette nuit. Ça, je regrette, monsieur. Mais personne n'est venu chez moi cette nuit. Très bien, vous entendez à merveille les intérêts de Mercadel. Vous a fait réciter votre leçon, le numéro est au point. Ah, monsieur, comment vous convaincre? Inutile, il ne pourra pas longtemps nous cacher Godot, nous attendrons. Un mois s'il le faut, je le sais déjà, la petite bourse. Nous nous sommes réunis ce matin, mes amis et moi, nous avons discuté. Notre sagacité froidement cruelle nous permet de tout deviner parce que nous savons tout supposer. Godot a pris 2000 actions des mines de la Bassintre. Mauvais début, on voit bien qu'il débarque des Indes, il n'est plus dans la place. Alors là, monsieur, vous me parlez l'hébreu? Je vais vous parler français, madame. Je suis pas mauvais chien. Je fais une petite différence sur ma créance, si vous voulez me permettre de m'entendre avec Godot. Oh, monsieur, je n'entends rien aux affaires. Mais je vais avertir monsieur Mercadet. Je t'accompagne, maman. Ah oui. Écoutez, Minard. Vous épousez mademoiselle Mercadet du Val-Malady. Et si ce vieux singe vous a conseillé le mariage, c'est qu'il connaissait l'arrivée de Godot, Berchu, c'est tout. Monsieur, c'est vous qui m'apprenez le retour de monsieur Godot. Très bien, vous vous considérez comme de la famille, vous êtes dans le complot du silence. Mais cependant, j'en suis certain, il ne vous déplairait pas de servir Mercadet. Alors faites donc comprendre à Godot que s'il veut me payer sur le champ, je fais une remise de 20%. Écoutez, monsieur, je ne me sens pas autorisé à me mêler des affaires de monsieur Mercadet, il le prendrait très mal. D'ailleurs, le voici. Alors expliquez-vous directement avec lui. Eh ben, Adolphe, pourquoi cette ire? Ces dames vous attendent. Emmenez-les presto à la campagne, vous n'aurez jamais Julie. Je vous le promets. À nous deux, Goulard. Le duel sera loyal. Alors, cette fois-ci, vous êtes tous décidés à me faire déposer mon bilan? Il paraît que je suis un faiseur. Vous, un des hommes les plus capables de Paris. Un homme qui gagnera des millions dès qu'il en aura un. Vous me calomniez ou vous plaisantez? Oui. Je vois bien, vous vous moquez. Enfin, vous ne vous êtes pas réunis à l'Assemblée pour me... Pour vous aider. Pour étudier les moyens propres à vous sortir d'embarras. Nous attendrons, mon cher ami, tant qu'il vous plaira. Combien je regrette mon bras si dodu, ma jambe bien faite et le temps perdu. Mais ça va pas, Justin? Vous n'êtes pas de nous déranger, là? Combien je regrette mon bras si dodu, ma jambe bien faite et le temps perdu. Qu'est-ce qu'il y a, Justin? Permettez une seconde, mon ami. Monsieur Violette m'offre aussi Louis si je lui arrange un rendez-vous avec monsieur Godot. N'est-ce pas corrompre? Tu deviens l'arme de Mercadet. Mais par la même occasion, je te livre aussi celui-là. Ton le. Celui-là, n'ayez pas peur. Mon Goulard, vous allez m'excuser. Justin vient de faire part d'un message auquel je dois répondre par écrit. C'est d'une importance extrême. Ton le. Je reviens. J'ai compris. Monsieur est si fin. Combien Violette t'offre-t-il pour être mis en présence de Godot? C'est pas vrai. Monsieur sait que Godot... Oh. Ah non, monsieur, non, non, monsieur, il ne m'a rien offert. Que t'a-t-il donné? Il m'a rien offert. Que t'a-t-il donné? Pour trahir monsieur Mercadet, qui m'avait bien recommandé de taire le retour de Godot. Je ne mentirai pas, monsieur. Si Louis. En voilà 15, mon garçon. Oh, oh, oh, allez dedans. Si monsieur Godot pouvait revenir souvent... Mais c'est entendu, je le verrai le premier. Ah oui, si monsieur veut bien attendre dans le vestibule, j'irai l'avertir dès que Godot sera là. Je compte sur toi. Comptez, monsieur, comptez. Comptez, monsieur. Ils seront là, comme le homard dans le vivier. Je les plongerai tous dedans, les uns après les autres. Pépites et paillettes pullulent dans mes paumes, dans les poches de mon pantalon, partout elles poussent. Qui grappille et grignote, grimpe graduellement vers le plus grand grade. Mais soyons sagaces, la sottise se saigne scientifiquement. Usons de ruse et nous roulerons carrosse. Du cran, Justin! Car après carême... Enfin, tu caresseras ta corne d'abondance. Alors, j'attendais les ordres de monsieur, il me dira quand je pourrai leur laisser voir. Ah, mon garçon, va, fais ta recette. Mais surtout, n'écoute pas notre conversation, hein. Monsieur. Godot et moi, nous avons à débattre secrètement. Il va venir coller son oreille à la porte. Tiens, je me parie 10 louis. Je les garde. Oh, cette ressemblance avec Godot, telle que je l'imagine après 10 ans de séjour aux Indes. De la Brie, vous êtes un pape. Mon auguste, cher Mercadet, ami transcendant l'amitié, que la frux climate, que ce climate de Paris, ne trouvez-vous pas? Si mon fils n'habitait pas ici, jamais vous n'aimeriez vie. Mais il fallait bien apprendre à ce petit que sa père et sa mère se sont mariés. Sa père et sa mère? Michonna de la Brie, vous m'épatez. Mais pourquoi cet accent roumain? Je l'ai attrapé aux Indes. Oh, je suis supérieurement doué pour la comédie, mon vieux. Mais que voulez-vous, il faut savoir tout faire quand on l'aurait appris. Justin, monsieur, tu serviras sur ce guéridon le thé de monsieur Godot. Qu'est-ce que c'est que ça? Ça, c'est Godot. Ah, oui. Monsieur, monsieur Pierquin essaye de circonvenir le père Grumeau. Il veut forcer notre porte. Laisse faire, elle n'a pas de vertu. Hein, du thé, il le souhaite comme le premier membre fondateur de la Société du Canal de Suez. Attends un moment. Oui, monsieur. Là. Fais porter cette lettre à Duval. Bien, monsieur. Je viens d'imiter la signature de Godot. Je n'ose penser à ce qui adviendrait si les actions de la Bassindre restaient au-dessous du père. Je vous le dis tout net, je sauterai dans les soutes du premier bateau en partance pour les Indes. Ah ben, je crois bien que moi aussi. Hasard! Mon beau masque, retourne-toi, c'est 50% pour, mais tourne-toi, 50% contre. Il se le garde comme un capital de réserve. Serrez ma gaine, serrez ma gaine, excellent maire Cadet. Monsieur Briand, je suis en affaire. Nous savons avec qui. Là, je vous en défie. Avec l'aimable monsieur Godot. Voilà un compte à dormir assis. Père Violette, je vous jure. Que monsieur n'est pas Godot. Tiens, Jean-Paul Goulard est témoin de cette déclaration. Il ment comme une publicité de pâte dentifrice, mais en affaires, tous les coups sont permis. Sans ça, le commerce serait bien malade. Mercadet, n'essayez pas de nier. C'est Godot, je le reconnais. On le dit là-bas. Excellent. Goulard, vous êtes indiscret. Je ne souffrirai pas que vous le tourmentassiez. C'est tout à fait un Indien, maintenant. Il a beaucoup changé. Oh, vous savez ce que c'est. Les Indes ont un effet foudroyant sur les gens. Les mines, les pestes désertiques, la peste, les piments, le pavot, les paprikas, les parasols. Mais qu'est-ce que je raconte, moi? Avez-vous les papiers? Foulard, géant! Mon ami ne demande qu'à payer. Arrêtez, monsieur, arrêtez. Monsieur Mercadet est la victime d'une mauvaise plaisanterie, je veux le croire. Qui ne doit laisser en rien vos intérêts. Madame! Monsieur n'est pas Godot! Alice! Mais vous êtes dupé, Auguste. Par un intrigant. C'est pas possible. Moi, j'ai plus un centime vaillant. J'ai tout distribué par générosité de cœur. Si vous voulez garder le silence sur cette entreprise, vous serez payé. Et par qui, s'il vous plaît, ma petite dame? Par monsieur Duval. Allez, folle, folle, folle! Soyez ce soir chez lui. Vous m'y trouverez. Et vous serez satisfait. À mon âge, on peut commencer à croire au Père Noël. Il est né le divin enfant. Attention, si ce n'est ce soir, c'est dans ton compte, Mercadet. Madame, si Si vous n'étiez pas une femme, vous seriez déjà morte. Je suis monsieur de Labrive. Non, c'est faux. Comment ça, je ne suis pas moi? Oh, je ne veux pas savoir qui vous êtes. Mais qui que vous soyez, vous apprécierez le service que je vais vous rendre. Mon mari vous fera cadeau de vos titres. Je suis au courant. Maintenant, retirez-vous. Il est temps que je demeure seule avec monsieur Mercadet. Nous avons un lourd contentieux à régler, nous aussi. Madame, je m'incline devant votre élégance. J'espère simplement... Allez! Oui, je sors. Ah, salut, vous êtes folle, mais qu'est-ce qui vous prend? Vous voulez me ruiner définitivement, mais quelle mouche vous a piqué? Ma liquidation allait se faire là, qu'on part enchantement. Vous avez donc rencontré la planche à billets de la Banque de France? Non. Je veux seulement que vous restiez celui que j'estime. Oh, ce ne direz-vous que des idées de femmes, mais vous me ferez la grâce de les écouter. J'ai peut-être encore 200 000 francs, prenez-les. Pour désintéresser vos créanciers. Et après, nous serons toujours aussi pauvres que le peuple d'Espagne. Mais quittons cette atmosphère de mensonge, n'hésitez plus. Ah, vous me poussez à la faillite. On s'en relève. Je sais ce qu'il me reste à faire. Je ne vous quitterai pas, Auguste. Nous lutterons ensemble. Suivez-moi, Adam. J'ai peur que mon père fasse quelques bêtises. Comptez sur moi. Je lui ferai un rempart de mon corps. Aurait-il le toupet de nous cacher leur situation? Le père Grumeau dit que monsieur va être arrêté. Et moi, je lui ai confié mes économies et tous mes gages qui me sont dus. C'est trop injuste. Soyez tranquille, nous allons tout perdre. C'est une faillite, j'en suis sûre. Chut, je n'entends rien. Il parle trop bas, il joue trop fort. Monsieur se méfie toujours de nous. Mais qu'est-ce que c'est au juste qu'une faillite? Une faillite? C'est une espèce de vol. Mettons involontaire. Parfaitement admis par la loi, mais terriblement aggravé par les formalités. Mais rassurez-vous, monsieur liquide. Qu'est-ce que c'est, liquider? La liquidation, c'est toujours la faillite, mais qui se complique par la constatation de la bonne foi du débiteur, ce qui supprime les formalités. Il sait tout, ce Justin. Ce sont des phrases, ça, monsieur. Je suis son disciple. Qu'est-ce que vous faites là? Volez-vous-en! Ne demandons pas mieux, monsieur, mais nous attendons. Quoi? Mon argent! Nos appointements! Courrez chez madame Mercadel, vous paiera. Perchu! Eh ben, quoi donc? Vous avez moins 20 degrés de froid sur les joues! Oh, la tête! Eh bien, les mines de la bassin ne sont-elles pas en hausse? Sensationnel, Mercadet, nous atteindrons au père ce matin. C'est parti et ça tape en plein dans le mille. Le feu y est, on ignore jusqu'où il prendra. Ha! Votre lettre fait des merveilles. La compagnie a flairé le coup. Elle va déclarer à la bourse le résultat des opérations de sondage et la mine de la bassin revaudra celle de Mons, Belgique. Vous avez suivi mon conseil, combien en avez-vous pris pour vous? 500. Vous me devez ça. Oh! Je suis ravi de vous avoir mis dans la poche peut-être 100 000 francs. Ah! Madame Perchu voulait un équipage, elle l'aura. Mon cher, les jolies femmes qui vont à pied, moi, ça me narre. Attention, Perchu, attention. À 10% au-dessus du père, réalisé. Vous êtes la crème des hommes. Vous n'avez jamais fait de mal qu'à vos actionnaires. Et acceptez un autre conseil. Quittez la coulisse. Souvenez-vous, mon frère, de cette grande phrase de l'Évangile, applicable aux affaires. Celui qui se sert du glaive... Péric, par le glaive. Au fond, vous êtes un brave homme, mais vous avez devant vous des ennemis implacables. Mmh. On m'a juré que c'était un faux. Un faux. Un faux, ça, un faux. Ah oui, ça, c'est un faux, oui. Mais forcément, c'est signé de ma main. Ainsi, Godot n'est pas à Paris. Au fond, vous êtes un brave homme. Courez chez Duval. Vous trouvez l'argent qui vous est dû pour les 2000 actions. Si je suis payé, je remettrai cet ordre à Duval. Mais mon cher Mercadet, je prierai pour vous que Godot s'y trouvât. Je vais chez Duval. Oh, je recule sur les positions stratégiques préparées à l'avance. J'emprunte le langage des généraux qui manœuvrent. Et toujours aussi jeune, aussi enthousiaste, je m'en ressaisis et je lutte dans le mur. Adolphe! Adolphe, vite, chez vous! Adolphe! Mon gendre! Ah, vous voyez, je vous appelle déjà mon gendre. Vous savez tout. Courez chez Duval. Obtenez de lui qu'il paye et satisfasse Perchu. Je suis sauvé. Je vole à votre secours! Je paye. Oh là là! L'ennemi s'avance en rang serré. J'aurais dû me carapater. Comme je me préférais rêveur bucolique dans les bois de ville d'Avoine. Enfin, faisons face. Adieu, Justin. Tu perds un bon maître. Je ne suis pas encore assez fort pour quitter monsieur. Ma femme s'est-elle acquittée de ce qu'elle vous doit? Virginie a la tête si dure. Avec elle, un et un font toujours trois. On n'est pas prêt de lui démontrer qu'un et un... Un et un font un quand on marchande. Et cinq quand on ajoute les intérêts. Les mathématiques, comme tu vois, sont une science exacte. Comme monsieur m'amuse, il a le malheur spirituel. Mon admirable monsieur Mercadet. Eh oui, père Violet, tout finit par casser même les ans. Bon, en prison, je ne serai pas seul. La compagnie est nombreuse. On y rencontre tous les déchus, tous les génies décapités. Non, non et non. Les hommes tels que vous sont rares. Vous devriez avoir des fils. Payer les intérêts, les frais, tout ça rubis sur l'ongle. Ah, je m'en veux d'avoir critiqué, beaucoup crié. Je m'en veux de mes pleurs, de mes jérémiades, de mes doutes. Mais j'avais une excuse. Je ne croyais plus au retour de Godot. Oh, père Violette, la plaisanterie est éculée. Mercadet, vous êtes sublime. Je vous ai méconnu. Je suis à votre dévotion. Vous ne m'épargnerez même pas vos sarcasmes. Alors, les païens, on vient assister au repas des fauves dans la fosse. On se venge. Je ne fais pas de phrase, moi, je ne dis qu'un mot. Parfait. On est fiers d'être ton ami. Vous êtes le partenaire le plus correct qu'il soit possible de rencontrer dans nos métiers. C'est bien simple, je voudrais vous laisser tout mon argent. Nous aurions tous cédé quelque chose et vous n'avez rien demandé. Vous êtes l'intégrité dans sa représentation la plus vive. Et serviable, avec sa serviable, comme il n'est pas possible. Ah ça, messieurs, vous êtes-vous assez gaussés de moi? Voyez, tant qu'il vous plaira. Amusez-vous de ce mannequin sans défense que vous m'avez fait devenir. Et je me révolte! Et puisque vous êtes réunis en assemblée pour sonner la lali, je déclare que votre gibier se défendra! En vérité, je vous le déclare! Si vous ne m'accordez pas des délais, je vous coupe la gorge là! Devant vous! Mais range donc cet argument, mon cher! Tout le monde a été payé par Godot! Ben non, toi, Dieu, Godot, c'est un mythe! Un spectre, une illusion! Une fantasmagorie, vous le savez tous! Aussi bien! Il est arrivé! Godot est arrivé! De Calcutta? Oui! Oui. Avec une fortune incalculable! Oh, pardon! Mille pardons, Mercadet, mon cher irremplaçable! Voici vos actions, elles ont été payées! Par qui? Mais par Godot, comme vous me l'aviez annoncé, 150 000 francs, nous sommes au pair! Vous avez vu Godot? Mais oui, il m'a dit que ces actions étaient à vous! Godot! Lui-même, débarqué du Havre! Voilà vos quittances, Mercadet, je n'aurai pas mon appartement, mais tant pis! Je rêve, je suis chez les fous! Adolphe, tu ne me tromperas pas, dis-moi. Cher beau-père, mon père est à Paris. Il a épousé ma mère, m'a reconnu pour fils légitime. Je me nomme désormais Adolphe Godot. Oh. Auguste Grand-Ange. Il a remboursé tous ces messieurs? Tout, scrupuleusement. Il a payé Berchu et vous supplie de conserver ses actions à titre d'acompte sur votre part dans les bénéfices de ses entreprises aux Indes. Salut, fortune, reine des rois, impératrice des emprunts, princesse des actions et mère du crédit. Salut. Fortune, c'est forcément des Indes que tu devais venir. J'ose souhaiter que vous me conserverez votre confiance. Éliminez les culs. Je les laisse à Julie pour deux boutons de diamant. Oh. Il devient reconnaissant, il n'est pas reconnaissable. Papa, c'est épouvantable. Adolphe est millionnaire et il veut m'épouser. Je ne sais pas si je dois accepter. Ça ne fait pas de façon. Oh, Auguste, que d'émotion, c'est trop pour un cœur sensible. Toi, c'est courageux dans l'adversité. Ah, je suis sans force devant la joie de te voir riche et sauvé. Riche, mais honnête. Honnête. Finalement, c'est plus simple. Auguste! Auguste! Ah, oh, je vous l'avoue, je succombais sous tant de fatigue. L'esprit toujours tendu, toujours sous les armes. Un géant aurait péri! Maintenant, j'aspire au repos. Mon père vient d'acheter une terre en Touraine. Soyez son voisin, faites comme lui, imitez-le. Oh oui, c'est ça mon ami, le calme, les silences de la campagne. Il s'ennuiera. Oh, tu t'ennuieras. Mais non. Après les fonds publics, les fonds de terre, la mise en valeur des produits alimentaires, l'aménagement du territoire, le lancement d'un emprunt pour le développement de l'arrosoir. De la pâtisseur, du bidon, de la bêche, de l'égraineuse, de l'ébranchoir. L'agriculture m'occupera. Il faut organiser les circuits de distribution, rationaliser le raclage, le cerclage, le herçage, le minage, activer la fertilisation. Oh, je ne suis pas fâché d'étudier cette industrie-là, moi. J'achète à court terme. J'achète à moyen terme. J'achète à long terme. J'achète l'agriculture. Nous achetons l'agriculture. Juste une voiture. J'ai tant de fois montré Godot que j'ai bien le droit de le voir moi-même. Messieurs, allons voir Godot. La pièce que nous venons de jouer devant vous dans une adaptation nouvelle et une mise en scène de Pierre Franck et d'Honoré de Balzac. Avec Valentine Ducré. Léon Le Sac. Jean Péméja, Francis Joffaut, Teddy Billis, Martine Coutu, Tristan Riel. Aline Steele, Georges Lican, Jacques Siron, Henri Poirier, Jean-Marie Bernica, Patrick Bourgeois, Françoise Fleury. Et Jean Le Poulain. bien sûr, j'étais devant leur visée.